Avec plaisir. Pourquoi pas. Ah bah écoute, dépêche-toi parce que bientôt ça va plus être possible. Il faut se dépêcher, avoir le Japon. Avoir le Japon, on va le faire. C'est ça. Eh ben, franchement, avec plaisir. Donc la compil Club & Dance, on est là. Elle est en vente partout, bien sûr. Mm-hmm. Et labellisée Fun Radio, labellisée Party Fun. Donc avec tous les résidents, Maestro, moi. Un petit peu aussi. Bah oui, non, toi aussi, oui. Linka Modelo surtout. Je voulais avoir Snake, mais c'était pas possible. Ils n'ont pas voulu. Pas tout de suite. Faut pas gentil. Laisse le temps. Elle n'est pas encore en téléchargement parce qu'on cherche, on cherche pour l'instant de le vendre en physique et puis alors on la mettra en téléchargement. Ok. Puis c'est bien parce que moi, il n'y a rien à faire quand je reçois un disque et qu'il est là dans mes mains. Ça fait plaisir. Ah, c'est... Pour la voiture, c'est sensation sympa. Bizarre. Ouais, c'est ça. Tu me donnes un code iTunes pour le télécharger. Tu fais ouais. Mais dans les nouveaux ordi, il n'y a plus de lecteur. Dans les nouveaux ordi, il n'y a plus de lecteur. Ouais, c'est vrai. Dans les nouvelles voitures non plus. Ouais, mais. Non. Arrête, dans les nouvelles voitures, il y a encore de lecteur. J'ai un lecteur, moi, je sais plus. Bah oui, dans la boîte à gants. Mais la porte à gants est partie avec. La porte à gants dans la voiture. La compil Club & Dance, on va vous l'offrir. T'en as combien à filer là? Oh, j'en ai une dizaine. Ouais, facile. Eh ben très bien, tous ceux qui m'envoient maintenant. Cadeau trop tard. Non, c'est long. Party Fun. Allez, envoyez-moi Party Fun au 3044. C'est un beau code ça. Ça va faire plaisir. Et le mien est pas beau. Cadeau trop tard, c'est un peu long. Envoyez Party Fun au 3044 et on les file aux 10 premiers qui envoient. Party Fun, Vince, dis-moi. On a un petit morceau qui passe actuellement. Je vais laisser la parole à Linka Modelo pour expliquer un petit peu que le track qu'on a fait passe sur Fun Radio. Et filez-moi. Ah oui, mais c'est vrai. Non, j'allais dire filez-moi une clé USB, mais elle est passée sur Fun dans mon émission d'ailleurs. Je sais pas si t'as entendu quand elle est passée chez moi. Linka Modelo, ça va les gars? Ça va bien, merci, et toi? Ah, ça va. Ah, les mecs, ils mettent des claques dans les festivals. Ah, ça. C'est vrai, comme ça, on aime bien. Le DJ Mag, il vous met quand dans le top 100 là? Ah, il y a du boulot, mais on y travaille. Oh, ça va arriver, à mon avis. Je vous donne un an. Dans un an, ça y est. Dans 9e place, dans 2 ans, boum, première place. Alors, comment s'est passé le track, là? Bah, écoute, on était en studio et voilà, on a décidé de faire un track, donc une collaboration avec Boss. Un truc plus accessible, mais qui reste quand même pas trop commercial. Et voilà, justement, il a été sélectionné. Il passe sur une radio, donc c'est vraiment super. C'est celui qu'on entend là? Ouais, il est là, il est à l'arrière. Attendez, je vais vous le mettre. Ouais, là. On peut entendre. Ah ouais? Body Trembles. Ouais, c'est ça. C'est cool. Un peu de musique dans les brantaines, ça fait du bien. Ouais. Wow. Oh. Ça, c'est du lourd. Et vous savez que vous donnez envie à tous les jeunes qui sont en examen actuellement et de qui sortir. Vont bientôt faire les enfin qui vont bientôt finir et bientôt aller se taper les festivals. Hein. Ouais. Vous avez quoi de prévu comme festival là prochainement? On a le Soleil qui va arriver le 25 juin. Ouais. Où ça? Près d'Anvers. Voilà. Près d'Anvers. Donc voilà, on a vraiment pas mal. On a plus ou moins 35 bookings. Donc on a justement mis une vidéo aujourd'hui sur notre page avec les dates, les différentes dates. Mais allez vraiment les suivre, hein, parce que il y a comme ça une jeunesse des DJ en Wallonie, comme ça, qui commence vraiment à faire parler beaucoup d'eux, à travers toute la Belgique et même d'un point de vue international, hein. Je pense notamment à Dirty Skies qui a signé avec Spinning Records, je pense notamment encore à Dux et Dume par exemple, à vous deux. Et pourquoi? T'as dit quoi, boss? À toi, parce que je te vois partout, à l'Affinity. J'avais oublié. À l'Affinity, tu étais à l'Affinity. Tu as tous les festivals Olicolor. Ouais. Et bientôt, bien sûr. C'est le côté DJ dont je parle pas beaucoup à l'antenne. Ouais, de ouais fun. C'est vrai, voilà. Tu devrais. Hein. Non, parce que le patron il veut pas. Sinon, il va me demander du cash dérogation, derrière. Dérogation grec. S'il vous plaît, grec. Donc, il y aura la Olicolor à Anu où tu viens, où Linka Modelo viennent aussi. Donc, c'est le 16 juillet. C'est moi qui le dis. C'est toi qui le dis. Grec, je te verserai un peu plus d'argent. Donc, le 16 juillet, on est donc à Anu avec ta présence, Linka Modelo, d'autres artistes et d'autres jeunes artistes DJ connus. Et vous serez nus ou pas? Non. On peut. S'il fait chaud. Hein. S'il fait chaud, oui. Alors ça va, on vient. La radio vous fait du high level ce soir. Hein. Allez, les amis, tout de suite, ça va être Mike Opensmith. Merci, boss. Merci, Linka et Mondelogy. Quand vous merci voulez, Vince. Les gars, vous passez merci sur l'émission. L'équipe. On se met bien. La Club & Dance, là, on va appeler les gagnants tout de suite. Merci, Luffy Enzo, d'être passé sur l'émission. Merci, Vince. Et quand vous voulez. Oh, c'est bientôt la fin. Ouais. Ouais, bientôt la fin de la saison. Dans deux semaines. Ouais, dans deux semaines. Oh là là. Ça va vite, c'est hein. Triste. Ouais, c'est dommage. Mais non. Bah, ah, j'ai un petit coup de cœur là. Bah ouais. C'est vrai. Un petit coup de blues, on dit. Un petit coup de cœur. On verra plus sa petite frimousse. Ouais. Bon, si, on va aller boire des verres ensemble. Ouais, ah, bah, on fera un festival et tout. Voilà, c'est ça. Et tu, on organise un festival normal. Bah oui, figurez-vous le 21. N'oubliez pas de rejoindre la page Mon Incroyable École. On a annoncé, ça y est, Leuze a gagné. Ça va se passer le 21 juin au CESP Leuze. Vous êtes déjà 400 à avoir confirmé votre présence. Donc, bah, continuez comme ça. Venez, venez. Déjà bah, ça monte. Ouais, moi, je voudrais qu'il soit 2000, moi. Ah, si, c'est sur 2000. Allez, d'ici ce week-end, 2000, les gars. Voilà, allez, faites-vous plaisir, partagez l'info. Merci Lara. Mais merci Vince. Bah, moi j'étais très contente de rencontrer le film. Mais nous aussi Lara, ouais, on est contents. Aussi. En plus tu fais super bien le bébé, c'est bien. Oui, c'est vrai. Bisous Kaufman. Bisous, bisous. Voilà, bisous Flash. Et bon, bah François, je va te soigner quand même. Hein. Ouais, le pauvre. Putain, il y a du monde dans cette émission, j'ai remarqué ce soir. On est 15 là. C'est dingue, c'est ouf quand même. Hein. Mike Open Space, t'es prêt pour l'émission merci là. Merci à toi, yes, Vince. Ouais, ben jusqu'à ouais. Quelle heure. Plus que 12 émissions avant la fin de la saison. T'as calculé 12 oh. Ouais, putain, 12, ouais. Donc ça veut dire que nous aussi, nous en restons. Non, vous en restez 2 de plus. Vous avez dimanche. Tu sais compter jusqu'à 12. Mais wow. Ouais. Merci Lara. C'est énorme. J'ai l'impression que Lara, tu m'en veux en ce moment. Non. C'est plus pareil entre nous, Lara. Ouais, je sais pas. Bon, il y a allez, un truc. Les amis, voici tout de suite. Allez, Mike Open Space, rendez-vous dimanche à partir de 20h sur Fond Radio. Et n'oubliez pas, l'aventure continue sur Snapchat, Vince Radio et tous les autres réseaux sociaux. Bisous tout le monde, ciao, ciao. La journée se termine. Vos paupières sont lourdes. La lumière vient de s'éteindre. Mais ne dormez pas encore. Un vent de liberté s'engouffre dans votre rue. Il souffle jusqu'à pénétrer chaque recoin de votre chambre, de votre véhicule. Vos poils se hérissent, votre pouls s'accélère. L'heure est venue de l'ouvrir. Ne restez pas caché sous votre couette. Levez-vous et montez le son de la radio. Montez-le encore, encore. Le voisin gueule, on s'en tape encore. Plus fort. Soyez où que vous soyez, la nuit ne fait que commencer. Total délire, 100% tolérant, Radio Bordel. Jusqu'à 2h sur Fun Radio. Et bonsoir la Belgique, bienvenue tout le monde, 23h de C'est Tipar jusqu'au bout de la nuit. On va se taper des barres de rire ensemble, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Les amis, l'Open Space est là pour vous accompagner, pour vous écouter si vous avez besoin de venir parler. Si vous êtes si déprimé en ce moment, vous avez un coup de gueule à passer. Vous pouvez nous appeler ce soir les amis, c'est au 02 851 4x0. Le standard est open, c'est Zezel qui décroche ce soir. Bonsoir mon Zezel. Hey, salut. Ça va bien en l'absence de Coralie qu'on embrasse, hein. Coco qui est encore pas très bien ce soir, on lui fait des gros bisous. Coralie qui devrait être de retour dimanche normalement chez Vin. Ça va bien mon Zezel? Ouais ça va, juste un gros problème du standard. Qu'est-ce qui se passe avec le standard? Ah, le standard est mort. Oui. Très bien, bah, je sais pas si la personne qui était avant peut te dire qu'est-ce qui s'est passé mon. Alors je me permets de m'incruster, j'ai oublié de préciser quelque chose. C'est que cet écran là est éteint depuis 20h. Et que le Françoisiche a dû utiliser l'écran qui se trouve juste à côté de toi. Donc à l'écran tactile. Notre écran à nous qui a un minimum d'infos. Donc ce soir il va y avoir du sport. Mais moi je reste pas. D'accord, mais voilà, je ne désespère pas. Avant la fin de la saison on sera dans des conditions optimales. On fera au moins une émission. Inch'Allah. Avec des conditions techniques réunies. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Mike, ça va? Et toi? Bah écoute, ça va, un peu de monde dans le studio là actuellement. Je me sens un petit peu observé par ils tout sont le monde. En train de prendre des photos avec la team. Et la je ne suis pas dessus, ça me vénère grave. T'as passé une bonne journée? Ça va, ma journée pas trop mal, ensoleillé. Ça fait du bien après toute cette merde de pluie là, tranquille. Ah c'est vrai qu'il a fait beau aujourd'hui. Putain, moi je suis en train de découvrir une nouvelle série incroyable. Laquelle? Il y a de fortes chances pour que vous entendiez parler. Croyez-moi mon expérience, les Game of Thrones. Putain. Ah c'est tout nouveau. Ah ouais? J'ai jamais entendu parler hein. Non mais c'est vachement bien cette connerie hein. J'ai commencé. Je sais pas. Avec dites-nous si vous matez au 3044. Dites-nous la série que vous matez qui en ce moment. Faut faire un petit sondage les amis. Il y a Souf qui arrive dans 5 minutes. C'est Mis à mort qu'on va écouter sur Fun Radio. Si y a un son que vous voulez vous écouter, vous m'en faites la demande au 3044. Alors on avait dit qu'on allait commencer cette émission en appelant Baba Hanouna. En appelant Cyril Hanouna. Puisque Maître Kevin qui fait l'émission avec nous qui est là un petit peu plus tard nous a dit qu'il le piégeait régulièrement. Oui, c'est ça, oui. Donc je lui dis frérot, bah tu vas venir dans l'émission et tu vas le piéger. Il sera là dans quelques instants, Maître Kevin. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit je suis sur la route. Donc on va appeler Cyril Hanouna dans quelques instants. On va essayer de le piéger. Vous pouvez pronostiquer la réussite ou pas de ce canular. Dites-nous si ça va marcher. Je pense qu'il décrochera même pas, moi. Ah tu crois? Non, je sais pas. À sursis, il y a des possibilités pour qu'il décroche quand même. Mais ce serait bien. Parce que j'ai quand même récupéré le numéro de sa meuf. J'ai le numéro carrément. Ouais, j'ai quelques contacts. T'as le numéro de Mathieu Delormeau? Non, j'ai le numéro. Donc au pire, on pourra essayer de. Enfin, qu'il apprécie trop la chose, mais écoute, on va se faire plaisir. On a promis qu'on allait l'appeler d'ici la fin de la saison, donc ce sera ce soir, les amis. Vous tous et vous tout en direct au 02 851 4x0. Les réseaux sociaux aussi de l'émission, on est connecté dessus. Il y a la page Facebook chez Jonathan. Oui, il y a la page Facebook, Mike Open Space, où vous pouvez directement nous mettre un petit like et ensuite nous envoyer un message si vous avez des trucs à dire. Sinon, il y a le Twitter, Mike Fun Radio, où tu refollow back les gens directement après l'émission. Et aussi le Snapchat Mike Open Space où on met toutes les photos, toutes les vidéos des coulisses de l'émission. Exactement, c'est parfait. Avant de commencer cette émission, j'aimerais vous parler de Brigitte Bardot. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, écoutez bien, vous savez que c'est l'élection présidentielle l'année prochaine en France. Ouais. Et elle n'exclut pas de se présenter à l'élection présidentielle. Ah bon? Oui, elle dit « Il faut que quelqu'un se bouge pour défendre le droit des animaux. Je suis d'accord avec Brigitte Bardot. Oui. C'est important de protéger les animaux, tous les animaux, les chiens, les chèvres, les chevaux. Moi, le premier, je les protège. Je mets toujours une capote, les gars. C'est important. Mais sachez-le. C'est dégueulasse. Non, mais la pauvre Brigitte Bardot. Pour ceux qui connaissent pas, pour les plus jeunes, il y a quelques années, Brigitte Bardot, c'était genre Nicki Minaj. Ouais. Bah, c'était un peu l'emblème du sexe féminin. C'est ça, oui. Aujourd'hui, je suis tombé sur une photo de Brigitte Bardot. C'est plus le symbole du sexe féminin. C'est le sexe féminin, sa meuf. Sans déconner. Son visage est en forme de teucha, le visage de Brigitte Bardot. Je vous mets la vidéo parce qu'elle a fait une vidéo et tout. Pour se lancer dans la présidentielle. Je vous la mets sur le Facebook de l'émission. C'est Mike Open Space. Bon, Gezel, pourquoi le premier est pas là? Appelle-le, frérot. Putain, qu'est-ce que tu m'emmerdes, Gezel. Il s'est en train de foirer. Tous les débuts de l'émission de la semaine, tu me les as foirés, frérot. Mais c'est même pas de ma faute. Attends, putain, t'as vu le standard? Ouais, on fait avec ce qu'on a. On se calme, les enfants. Bon, allez, on va voir dans quelques instants. Il y a Maria qui voulait passer à l'antenne, 25 ans à Verviers. Oui. Maria, en fait, elle a eu un rencard sur Tinder. Ok. Et son mec, le mec avec qui elle était, elle est partie au cinéma et il a eu une réaction étonnante. À nous de trouver quoi. C'est l'auditrice mystère de ce soir. D'accord. Maria, si vous avez des idées, vous balancez au 3044 vos idées, vos questions aussi. Maria aura le droit de répondre par oui ou par non. Et si on trouve pourquoi elle nous appelle, elle repartira avec du cadeau. Toute la Belgique en entier, ramenez-vous chaque soir ici en full bordel. 02 851 4x0. Venez faire vivre la liberté d'expression d'Arlon à tourner. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Bon courage à ceux qui révisent là, en mode ouais, Bocus, ouais, en mode examen là. Courage, c'est bientôt fini les amis. Et aussi ce soir dans l'émission, grosse page consacrée au loto foot, puisque l'Euro 2016, c'est demain. C'est demain, ça allez, commence. Les Diables Rouges, on joue lundi hein, contre l'Italie. Pourquoi tu puisses pardonner tous ces faits et gestes que j'ai accordés? Oui, je sais que c'est là, mais j'aimerais que tu reviennes, c'est qu'un homme des erreurs tant où tu ne savais pas qui blesse tous. Pourquoi tu puisses pardonner tous ces faits et gestes que j'ai accordés? Oui, je sais que c'est là, mais j'aimerais que tu reviennes, c'est qu'un homme des erreurs tant. Je savais pas qui blesse tout ce dont tu rêves, que tu m'aimes. C'est et ça m'a fait, j'en perds ma tête dans la nuit. Tu as le plus beau. J'avais juré fidélité, son. C'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. Et je t'avais pris pour acquis, le dos. J'avais cru sous le faux, et quoi qu'on héros. Aujourd'hui, tu me fuis. C'est dire, j'en perds ma taille. Et dans la nuit, je mourrai, je t'en prie. Pas le plus mal. Favole, favole. J'aimerais t'entendre là, tu me passes. Je mets le son doux par vide. J'aimerais t'entendre. T'entends assez, tu as assez, tu es belle au timbre angélique. Choisi Fun Radio, merci d'avoir choisi l'Open Apart tout en Belgique à Bastogne. Vous nous captez sur le 92.9 à Namur, big up à vous, 107.5, big up à Tournée, 97.4, partout à Bruxelles, 24.7 c'est la fréquence. Bienvenue dans l'Open Space. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space. Le soir sur Fun Radio. Et vous tous en direct comme chaque soir sur Fun Radio. Ouais. Faites-moi exploser le standard au 02 851 4x0. Il y a David Guetta qui arrive pour la suite du son dance floor. Et David Guetta qui était ce soir au Stade de France là, ah ben, pour l'ouverture de l'Euro. À cette heure-ci là, il est encore occupé de mixer. C'était jusqu'à quelle heure? Il a commencé à 22h45, à mon avis il fait jusque 23h30. Ah, c'est diffusé à la télé tout ça? Sur TF1, ouais. On va allumer le bordel, on va voir ça et on vous décrira un petit peu le dos. Tout à l'heure, grosse session l'autofoot. Grosse. Consacrée à l'Euro 2016 puisque ça commence demain déjà. Et c'est la ça. Belgique qui joue lundi donc contre l'Italie, 21h le match de la Belgique. Ouais. C'est ça, donc on va pronostiquer tous les matchs jusqu'à lundi. Et puis bah, toute la semaine prochaine, on fera des lotofoot tous les jours. Tous les jours. Pourrez repartir donc avec du gros cadeau Fun Radio. Hein. Vous nous appelez dès maintenant pour jouer avec nous. Vous vous inscrivez par SMS au 3044. On est en mode Champions League dans l'Open Space. Open Space, c'est la Champions League. Amon, c'est la Champions League. Amon, c'est la Champions League. Une autre. Charleroi, c'est la Champions League. Une autre des ailes. Tubi, c'est la Champions League. Tubi, c'est la Champions League. De quoi Tubi, c'est la Champions League? Bah ouais. Te calme, c'est la CFA2. 23h12 sur Fun Radio. On accueille Maria qui est avec nous. Salut Maria. Hello Maria. Maria, Maria. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va et vous? Bah ouais, tranquille, Maria, t'as passé une bonne journée? Ouais, ouais. Ouais, t'as déjà un plan pour ce week-end? Non. Non, d'accord, ok. Non, rien de prévu. Bah, je sais pas, tu es célibataire? Oui. Ouais, tu cherches un mec? Oui. Est-ce que t'aimes bien l'eau? L'eau? Ouais. Ouais. Bah tu m'aimes déjà à 70% ma chérie. Oh, open. Quoi? Oh, pourquoi oh? Bah parce qu'on est composé à 70% d'eau, connard. Oh putain. C'est ma technique de drague. Allez pas me faire chier putain, merde. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. En plus Coralie est pas là ce soir, tu sais que je vais pouvoir encore être très open space ce je soir. Je crois ouais. Maria, tu es l'auditrice mystère de ce soir. Et tu nous appelles de Verviers. Ouais. Et alors répète-moi ton indice, je l'ai donné il y a quelques secondes là en début d'émission comme on n'arrivait pas à t'avoir, mais répète-le moi. Mon indice? Oui. Normalement, t'as, tu dois nous mettre sur la piste, quoi. Ouais, un rancard. D'accord, ok. Bon, je vais le refaire. Moi. J'ai l'impression que je connais mieux ton histoire que moi. Que toi. Un rancard, c'est Tinder, quoi. D'accord. Ok, mais qu'est-ce que tu veux qu'on trouve à partir de ça, ma petite Marie? Bah, en fait, j'ai eu un rancard avec un mec que j'ai rencontré sur Tinder. Oui. Sur Tinder, on est allé au cinéma. D'accord. Et en fait, il a eu une réaction que je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse. D'accord, c'est bien ça. C'est clair. Alors, c'est à vous de trouver chez vous à la maison pourquoi Maria nous appelle. On a 2 minutes top chrono pour répondre et pour trouver Maria. Si on trouve, tu repars avec du cadeau, d'accord? Ok. Ok, on te pose des questions, t'as le droit de répondre par oui ou par non. Chez vous à la maison, vous posez vos questions, aidez-nous au 3044 les amis, on compte sur vous. Vous êtes prêts dans l'équipe? Allez. C'est parti. Oui. Alors, est-ce qu'il a essayé de t'embrasser? Non. Mais non, c'est un peu trop basique. C'est pas une réaction étonnante, ouais, c'est classique, t'emmènes une meuf au ciné, tu l'as fait de la galoche quoi. Est-ce qu'il a tenté de te tripoter? Non. Est-ce qu'il s'est endormi? Non. Est-ce qu'il s'est levé et s'est barré? Non plus. Est-ce que genre il a jeté le pot de popcorn sur des gens qui parlaient trop fort? Non. 30-44 pour essayer de trouver pourquoi est-ce que Maria nous appelle. Quelle réaction étonnante a eu son mec alors qu'ils sont partis tous les deux au cinéma? Et tu t'y attendais vraiment pas Maria? Ah bah elle dit qu'elle l'a rencontré sur Tinder, donc il a ouvert Tinder au cinéma? Non. Est-ce qu'il a rencontré son ex sur ouais, Tinder? Ouais, c'est ce qu'on nous dit au 30-44, il a rencontré son ex. Non plus. D'accord, c'est difficile. Ouais, c'est compliqué. Il vous reste 6 minutes pour trouver, les amis. Balancez vos questions au 3044, on compte sur vous. Il y a du cadeau Fun Radio qui arrive à la maison hein, si vous trouvez vous aussi. Il a commencé à se masturber? Non. Non, mais là on part dans le glauque. Une réaction. On nous dit une réaction allergique au popcorn. Non. Il s'est levé en plein cinéma et genre il t'a fait une demande parce qu'il était tombé grave amoureux de toi juste en te voyant. Non. En audio 3044, il lui a spoilé la fin du film. Non, vu qu'il l'avait pas vu. D'accord, ce n'est pas ça. Ah, c'est chaud, putain. Ouais, c'est chaud, hein, quand même. Au 3044, on nous dit il a refusé de lui payer sa place. Elle a dû payer sa place. Non. Non, c'est pas ça. Oh, putain, on va jamais trouver. Mais ouais, là, mais ce je pensais pas ça. Je pensais que c'était carrément dans le cinéma. Je sais pas. Est-ce que il a téléphoné à sa mère et je sais pas ou bien il t'a avoué qu'il était gay. J'en sais rien. Là, tu comprends. Là, il est en panique. Là, il panique de ouf. Il se dit putain, il va pas trouver de cadeau. Alors, est-ce que le mec, putain, mais ça serait chelou quand même. C'est fini. Vous avez stop. Il avait un truc, je crois. C'est fini. Ouais. Alors vas-y pause. Ce sera la dernière question. J'allais justement dire le mec, ça serait chelou quand même qu'il a commencé. Je sais pas. Et vous avez vu quoi comme film? Non, pose ta question, okay, Zézé. Est-ce que le mec, il est émotif? Ouais, ça s'approche. Ah oui, ça s'approche, mais on n'a pas trouvé, malheureusement. Je peux quand même dire le dernier truc que j'ai. Non. Deux minutes, sinon il y a un chrono, ça sert plus à rien, les gars. Je crois que j'ai trouvé. Je sais, les hommes ne font plus les lois, mais certains hommes font la loi. Donc vous calmez, s'il vous plaît. Il y a un règlement à respecter. Bon, alors explique-nous maintenant, balance-nous la bonne réponse, Maria. Il a pu répondre tout le long du film. Ah merde! Moi je pensais qu'il avait eu peur, genre Conjuring, tu vois le nouveau film et tout, qu'il avait stressé. Et vous êtes parti voir quoi comme film? Julieta. Ah, c'est le nouveau Almodovar? Ouais. Il est bien ou pas? Ça va. Ouais, il fait pleurer quoi. Ouais, voilà. Mais c'est... pourquoi ça t'a étonné? Parce que c'est, enfin, il a pas une allure de mec émotif. Parce qu'il est assez baraqué en fait. Du coup, par rapport à la carrure, on s'attend pas forcément. Est-ce qu'ils font dans sanglots à la première, au premier baiser dans un film un petit peu d'amour? Ok, est-ce que vous avez déjà pleuré au cinéma? Dites-moi sur les SMS si vous êtes du genre à pleurer au cinéma 3044 Zezel. Titanic. Ah ouais? Saloperie. À quel moment t'as pleuré? Ah putain, quand Léo il est parti. Mais on est d'accord. Hé, hey, Kate Winslet, grosse pute, il y avait de la place pour deux sur la planche. On est d'accord? Ouais. Non mais il y avait largement la place pour deux. Jonathan, est-ce que tu pleures au cinéma? Au cinéma, en fait, je pleure rarement quand il y a des gens autour de moi, mais un jour j'ai pleuré devant un téléfilm de TF1 à Noël, je sais pas pourquoi. J'étais tout seul et c'était, ça s'appelait Pouli, c'était un perroquet qui parlait, j'ai commencé à pleurer. C'était pas une blague en plus. Hein. Ouais. Au cinéma, non, quand il y a des gens à côté, je suis pudique en fait. Mais pour moi, le seul film qui fait vraiment pleurer au cinéma, et croyez-moi, c'est Taxi 4. Non mais j'avoue avoir déjà eu quelques sanglots au moment de Taxi 2 quand en pensant qu'ils allaient faire le 3. Alors le Taxi 4 il est pas passé. Bon non mais dites-moi si vous pleurez souvent au cinéma devant la télé, comment vous réagissez quand la puissance cinématographique de l'œuvre vous transporte? Mon dieu, je me fais chier moi-même. Réagissez chez vous à la maison au 3044. Après les meufs enfin je sais pas si toi ça t'a plu Maria, mais généralement la légende dit que les filles aiment bien les mecs qui pleurent au cinéma, les mecs qui sont émotifs. Ouais. Bon, devant tes potes, t'as l'air con, mais... C'est ça. Ça t'a pas trop plu, toi, Maria? Non, mais voilà que... Pardon? Ça t'a bloqué? Pardon? Ça t'a pas plu? Si, mais enfin, non, c'était mignon, donc voilà. Maintenant, moi, je pleure pas spécialement devant un film, à part peut-être les films un peu plus sur les animaux, genre Hachi ou quoi. Je suis allée devant un film, mais... Ah ouais, la marche de l'ampleur, j'ai pleuré. Mais, non, mais est-ce que... Enfin, ma question, c'est est-ce que c'est le voir pleurer, c'est un peu rédhibitoire pour toi? Non, pas du tout. D'accord, ah, voilà, c'est ça, t'as trouvé ça mignon. Bah, c'est cool. Non, mais c'est vrai, voilà, qu'après, c'est hyper facile d'emballer au cinéma. Bah, moi, je me rappelle combien de pets j'ai roulé à mon frère au cinéma. Ah, oh, mais on va pas se mentir. C'était dégueulasse. Non, toi, t'es dans le noir et tout, voilà. Ah, t'es dégueulasse. Excusez-moi, je vais un peu trop dans les confessions. Ça va, je suis ch'ti en même temps. Bonne soirée, Maria. Il y a du cadeau Fun Radio qui arrive à la maison, ok, ma chérie? Ok. Est-ce qu'on a trouvé pourquoi est-ce que tu nous appelles? Bisous Maria. Et si vous voulez passer dans l'auditeur mystère, si vous voulez être l'auditeur ou l'auditrice mystère un de ces quatre soirs là, oui, vous inscrivez sur la page Facebook Mike Open Space, vous lâchez un petit message en privé, en plus c'est totalement gratos. Dans quelques instants sur Fun Radio, on va accueillir Juan, 19 ans, à Saint-Gilles. Allô Juan. Vas-y, appuie-moi sur le bouton. Ouais Juan. Bonsoir. Bonsoir, ça va Juan? Allô Juan. Et j'ai pas 19 ans, j'ai 28 ans. Ah, 28 piges, ok, c'est Zezel qui a mal écrit. Bon, Juan, c'est pas grave. Tu es un mec ultra jaloux avec ta meuf, c'est ça? Super jaloux, oui, effectivement. Et tu veux nous en parler? J'ai un gros problème pour... Ouais, j'ai un gros problème, effectivement. D'accord. Okay. J'ai un problème parce que, bon, en plus, je suis un peu... Je suis amoureux d'une bonne femme, d'une super nana au bureau. D'une bonne femme, enfin, d'une super nana, ouais. D'une grosse pute, enfin, d'une princesse. Bon, bouge pas, on va en parler ensemble, Juan, ok? Ok. Ça va, super. 02851 4x0 pour faire comme Juan si vous êtes jaloux, puisqu'on va parler jalousie dans quelques instants. Je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. Merci beaucoup, le Free Babe. 23h20 sur Fun Radio. Il y aura des news inutiles aussi ce soir, puis le Timpal Info Mec avec Jonathan qui arrive très vite. Il sélectionne des infos insolites. Il nous donne le début, à vous de trouver la fin. Voici David Guetta sur Fun Radio. Talking loud, talking crazy. Lock me outside. Praying for the rain to come. Bone dry again. Guess it's true what they say. I'm always late. Say you need a little space. I'm in your way. It hurts that I remember every scar. And I've learned when living is the hard. This part I can't believe what I did for love. I can't believe what I did for us. Oh, crash and we burn into flames. Stitch myself up and I do it again. I can't believe what I did for love. but living is the hardest part. Bienvenue dans l'Open Space. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Et je suis pas tout seul, il y a toute la team de l'Open Space qui est là comme chaque soir pour vous accompagner, se nier, pour passer une partie de nos nuits avec vous sur Fun Radio, de vos nuits avec nous, ça marche dans les deux sens. Il y a Jonathan qui est là, il y a Diesel également qui répond au 02 851 4x0. On fait des gros bisous à Coco qui est encore malade ce soir. Du coup je vais pouvoir pécho vu que ma meuf n'est pas là. Il y a Ellie Goulding dans 5 minutes. Ah, il y a un nouveau mec, Ellie Goulding. Ouais, c'est la seule meuf que tu peux pas pécho là, qui est directement camée là. Attends, ouais. Non, mais elle se met bien, enfin, elle se met bien, c'est plutôt Prince Harry qui se met bien. Elle, ouais, ouais. Si vous êtes pas au courant, Ellie Goulding, elle se tape le Prince Harry. Bon, il est roux. Bon, voilà, mais. Bah, au moins, il a de l'argent quoi. Et ça n'a jamais empêché Ron Weasley de se taper Hermione, hein, donc. Exactement, voilà. Merci beaucoup. Et Guro également a beaucoup serré dans sa vie. 23h23 sur Fun Radio. Bonsoir, maître Kevin. Comment ça va, maître Kevin? Alors attendez, la Belgique ne vous entend pas, je vais tout de suite monter le son de votre tranche évidemment, maître Kevin, alors qu'elle est un peu plus tôt que d'habitude, parce qu'hier en fin d'émission, maître Kevin, vous nous avez révélé bah, régulièrement piégé Cyril Hanouna, puisque vous êtes son employé, hein, vous êtes auteur pour Touche pas à mon poste, c'est ça? Oui, enfin régulièrement je l'ai fait qu'une fois. Ouais, bon, ouais. Je suis en train de vendre le truc, frérot, tu me descends là. Hein, ah, mais de dingue. Bon, maître Kevin. Donc, on va essayer le dos. Alors, vous avez choisi quel personnage? On va appeler Cyril Hanouna, vous allez essayer de le piéger. Je vais faire Arthur. Vous allez faire Arthur? Ouais. D'accord, très bien. J'espère que ça va répondre, maître Kevin. Je suis pas convaincu. Parce que je suis en train de le teaser depuis 23h quand même, ces conneries. Oui. Ah, tu joues ta place pour la saison prochaine sur ce coup de fil. Oh là là. Allez, frérot. Bon, ça sonne. Dès que ça dit allô, c'est à toi. Tu lui laisses un message sinon. Il répond pas et on essaiera de le rappeler un peu plus tard dans la soirée. Ah, déjà ça sonne. Ah, je le sens mal. Eh Jean, là c'est quoi, c'est la troisième ou quatrième? Vas-y. Allô. Allô. Allô. Allô. Ouais. Ce qu'on a là. Ouais. Ouais, tu veux me passer Cyril, s'il te plaît? C'est qui? C'est Arthur. Qui? C'est Arthur. C'est Arthur. Non, c'est pas Arthur, là. Si, c'est Arthur. Parce que j'ai un petit peu enroué, en fait. Allô? Allô? Ouais. Ouais, tu veux me passer Cyril, s'il te plaît? Oh. Putain. Eh mais attends, mais c'était pas Cyril. Non, c'était pas Cyril, mais c'était qui, Kevin? Non, c'est son bras droit. Ah, c'était enfin, le bras c'est droit. C'est le mec, enfin bras droit, j'exagère, mais c'est un gars qui est toujours avec lui. D'accord, ok. Bon, alors on rappelle une fois. Allez. Bon, vas-y, fais-moi ça mieux, frérot. Bah non, mais ouais, je suis au max là, mon. Non, prends Jean-Marie, parce qu'Arthur, j'étais pas convaincu. Non, mais Jean-Marie, si Jean-Marie Bigard appelle 2 minutes après Arthur, et là, ils vont capter que c'est un truc. Bah, ça pourrait être drôle. Bon alors vas-y, fais Jean-Marie, si tu veux. Je laisse carte blanche au talent, maître Kevin. Je le sens mal. Bouge pas, Juan, on va te reprendre, hein, frérot. Hein. Encore une séquence réussie. Ouais. Ah, oh, merde. Oh, merde, putain. Ouais, laisse-lui un message, frérot, ok? 06. Ok. Attention, vas-y, laisse un message. Dis-lui que tu dois le rappeler tout à l'heure, c'est urgent. Votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, chérie, c'est Arthur. Je voulais t'appeler parce que c'est urgent. Là. On m'a encore dit des trucs là. Apparemment, ça balance sur TPMB, sur le 5 à 7. Là, c'est pas sympa ce que tu fais. Donc rappelle-moi, enfin je te rappelle là, parce que réponds, c'est urgent, là. Il faut vraiment qu'on parle. Ok, bon c'est bon, on rappelle tout à l'heure, maître Kevin, ok. On rappelle vers quelle heure? Vers minuit? Ouais, minuit, une heure, ouais. Il y a une meuf avec lui, c'est ça? Hein? Il y a une meuf avec toi dans la chambre, c'est ça? Tu t'es pas dispo avant minuit, une heure? Non du tout, parce que là je viens de rentrer, faut que j'aille manger, tout okay, ça. Ok, on s'en bat les couilles, Ok, maître Kevin, bon bah à tout à l'heure. Vas-y, attends. On essaiera un peu plus tard dans l'émission d'appeler Cyril Hanouna. Je vous jure qu'on y arrivera avant la fin de l'émission. Bah, on l'espère, Pas avant la fin de l'émission, mais avant la fin de l'année, en tout cas. Bon, Juan, ultra jaloux avec ta meuf. Oui. Ne bouge pas, on te récupère juste après Ellie Goulding, ok? Ça va, ok, tantôt. It's our strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm better. Sur Fun Radio jusqu'à 2h du matin, 23h31. Merci de nous avoir choisi, les amis, différents de tout ce qui se passe à la même heure sur la bande FM, c'est Libre Antenne jusqu'à 2h. Vous nous appelez, vous pouvez vous connecter aussi, venir parler avec nous sur tous les réseaux sociaux de l'émission. Le Facebook, c'est Mike Open Space. Il y a Snapchat aussi qui est open avec les coulisses et les photos et vidéos de l'émission. C'est Mike Open Space aussi. Et puis Twitter, Mike Fun Radio pour changer un petit peu. Dans quelques instants, tiens, on va se faire un petit son d'MHD. Ça m'était demandé là sur l'SMS 3044. Alors, vous voulez lequel de MHD? Dites-moi. Ah, moi j'adore. SMS. J'adore Champions League, moi. Champions perso. League? Ah ouais. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai qu'on se le passe pas souvent. Space Air Champions League. Verviers, c'est la Champions League. Verviers, c'est la Champions League. Pourquoi pas Champions League? Dites-moi si vous voulez écouter au 3044. Ou alors on peut, se passer la partie 5 là, on se la passe un petit peu. Ouais, ouais, c'est pas mal ça. Ah non, tu sais quoi, stop, pause. Il y a un son qu'on a jamais passé dans l'émission qui vient d'être demandé au 3044. C'est Amélie qui demande ça. Elle demande Maman j'ai mal de MHD. Ah, je connais pas, tiens. Et pour ceux qui ont pas écouté l'album de MHD, tiens, c'est ça, attends, je l'ai en machine. On va écouter le début là. J'essaie de garder la foi en transit des mots. Je pense qu'on va se caler celui-là dans 5 minutes là. Dis-moi si vous voulez au 3044. Vas-y, le refrain il est où là? Moi j'aime bien moi celui-là. Ouais. Non, j'ai mal là, MHD. Dites-moi lequel vous voulez écouter, les amis. 3044. On entend bien les instrus que c'est lui. Hein. Ah bah, ça, c'est un style inimitable. Ouais. C'est l'album de la maturité, j'ai l'impression. Il est pas mal. Hein. Maman, j'ai mal! Bon, ce sera dans 5 minutes là. Dites-moi sur les SMS, c'est vous qui décidez comme d'habitude au 3044. Tu veux t'écouter lequel, toi, Juan? Je ne sais pas. Excuse-moi, j'ai pas entendu. T'as aucune préférence? Non, aucune, aucune. Bon, bah, c'est désolé. Bon, tranquille, non, mais y'a pas de soucis, Juan. 28 piges, frérot, tu m'appelles de Saint-Gilles. Oui. T'as passé une bonne journée, Juan? Oui, plus ou moins, oui. Oui, d'accord. Et tu étais au contact de la meuf que tu veux pécho? Oui. Puisque vous bossez ensemble, c'est ça? Vas-y, raconte-moi ton histoire. Oui, donc en fait, je suis amoureux d'une... Je suis tombé red dingue amoureux d'une super nana au bureau. Mm-hmm. Mais bon, quand je la vois avec quelqu'un d'autre, je pète un peu les câbles. Je pète un peu un câble, quoi. Donc je suis super, super jaloux. Et je voulais avoir un conseil de comment l'approcher et tout et tout, vu que je suis super, super jaloux et plus c'est au bureau. D'accord. Voilà un peu mon histoire. Et ça fait combien de temps que vous fréquentez? On se fréquente pas encore. On se fréquente pas. Non, mais pas ça encore, fait, je veux dire, ça fait combien de temps que tu la connais? Ça fait 3-4 mois là. D'accord. C'est ouais. Cool. Hein. Et tu penses qu'il y a moyen ou pas? À mon avis, oui, je dois avoir mes chances, oui. Elle a pas mal de succès, mais à mon avis, je dois avoir mes chances. Mais c'est quoi les signes qui font que tu te dis que t'as tes chances avec cette meuf? Vous faites des câlins avec proches, elle te fait des. Elle t'a oui, déjà sucé, un peu des yeux doux, mais bon, elle a un peu beaucoup de succès au bureau aussi, hein, donc c'est pour ça que je me demande si je serais bien de l'approcher. Bah ouais, mais parce qu'après, c'est peut-être pas forcément des signes, parce que quand t'es en kiff sur quelqu'un, tu vois des signes partout, alors qu'il n'y en a pas forcément, mon ouais, zèle. Ouais, c'est ça. Ouais, écoute, un conseil de ma part, fais comme moi, oui. Fonce. Fonce! Bah ouais, au pire, t'as rien à perdre, hein, donc fonce. Mais en fait, le problème, c'est que t'es jaloux alors que t'es même pas en couple avec elle. C'est ça, déjà. Ouais, déjà jaloux d'avance. Dites-nous si vous êtes jaloux chez vous à la maison, si vous connaissez des gens hyper jaloux, si ça vous est déjà arrivé de vivre des relations avec des gens très jaloux. 3044 ouais. Sur l'SMS 02851 4x0. Et t'es jaloux comment? Raconte-moi, tiens, la dernière fois où t'as pété un câble par jalousie. Bah, la dernière fois, c'était là tantôt. Vas-y, raconte-moi, elle parlait avec qui et t'as réagi comment? Non, en fait, il est allé déjeuner avec quelqu'un d'autre, et ça m'a pas plu du tout. Et donc, je vais un peu courir pour me calmer, quoi. Ah oui. Ouais, carrément. C'est pour ça que je me dis, est-ce que ça vaut vraiment. Je me dis, enfin, je suis fou amoureux. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire? Parce que bon, après, si on sort ensemble. Tu commences comme ça, frérot, ouais. ça va être un vrai bordel. Ouais. C'est la partie, ouais. Mais. Ouais. Bah, il faut pas que tu sois trop jaloux parce que là t'es en train de niquer toutes tes chances. Oui, j'en suis un peu conscient, mais c'est plus fort que moi. Hein. Est-ce que vous êtes jaloux dans l'équipe? Est-ce que jusqu'où vous allez par jalousie, Jonathan? Je suis pas très très jaloux, mais par contre il y a un truc et je pense que c'est un peu tous les mecs qui sont comme ça, c'est quand j'ai quelqu'un en vue, il faut absolument que ce soit moi. Donc tu vois ce que je veux dire, genre si je la vois connectée sur Facebook et qu'elle me répond pas un message, je pète un câble alors que la personne n'est pas encore à moi. Mais à partir du moment où on est en couple, non, ça va, ça passe. Ah ouais. J'ai confiance. C'est juste avant quoi. C'est juste avant. Ouais. Parce qu'après t'as des vrais fous. Hein. Moi par exemple ma meuf, je sais que je lui fais régulièrement faire des tests ADN dans sa foufoune. Ah non. Ah, je déconne pas. Arrête. Non, mais on sort les grands moyens et tout. Moi par jalousie je pose des questions ça. Mais tu vois, par exemple je la vois parler à un mec. Je vais voir le mec, il faut que je sache tout sur sa personne. Mais non. Il vient d'où? Est-ce qu'il a une meuf? C'est un ex à toi? Son numéro de sécurité sociale? Il faut que je sache tout. Zézel, t'es jaloux toi ou pas? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de me poser la question ou pas? Bah oui. Ah putain, mais tout le monde le sait que je suis super jaloux. Ouais, c'est vrai que t'en parles régulièrement dans l'émission. Ouais, bah, en même temps, t'es jaloux à raison pour toi puisque ta meuf te trompe avec son meilleur ami, on rappelle. Je sais pas si elle me trompe, en tout cas, elle a dormi quand même avec quoi. Voilà, t'as des preuves qu'elle a dormi avec et je suis désolé, je l'ai toujours dit dans cette émission. Un homme et une femme hétéro qui dorment ensemble. il ne peut pas se rien se passer. Exactement. Ouais, d'accord, mais d'un côté, la meuf, à ses ailes, elle a quand même un petit peu pardonné, vu que ce week, le week-end passé... Elle l'a emmené en club libre. Elle l'a emmené, voilà, il a consommé, donc... Elle c'est pas faux. Elle a voulu se faire pardonner. Oui. Comme quoi, ta meuf est vraiment conne. Mais elle n'est pas pardonnée. Mais moi, j'avais un pote, son ex lui faisait vivre un véritable enfer. Genre, elle lui avait offert un t-shirt, I love my girlfriend. Ouais. Et quand il sortait en soirée sans elle, elle le forçait à mettre son t-shirt. Mais non. Elle lui dit, ok, très bien, tu sors, mais pas sans le t-shirt. Oh putain, c'est chaud. Mais en même temps, c'était un cas parce que lui aussi était ultra jaloux. Un jour, je vous jure que c'est vrai, un jour, il a pété une crise pour un cheval. Sa meuf, elle faisait du cheval. Ouais. Voilà. Et il a dit, ouais, elle peut pas mettre un caleçon, allez, machin. Non, mais je vous jure que c'est une vraie histoire. Mais je peux le comprendre, vu l'habit des chevaux. Voilà, non, ça mais peut attends, se comprendre. Non, mais attends, si tu fais pas confiance à ta meuf sur ce point-là, il faut te faire soigner. Et je pense que pour Juan, il faut que tu te calmes tout de suite, Juan, parce que t'es pas en couple avec elle, tu vas la faire flipper, la meuf. Hein. Plus que ça, même. Mais le problème, c'est qu'au plus je suis amoureux, au plus je suis jaloux, hein. Au plus ça monte, au plus ça monte dans les tours. Hein. Mais ouais, mais au bout d'un moment, c'est directement, Juan... c'est directement proportionnel. Hein. Mais Juan, qu'est-ce que tu veux? Tu veux te faire la meuf ou tu veux jamais te la faire? Parce que là, t'es mal parti, ouais. Frérot, je te le dis tout de suite. Ouais. Mais pas un conseil, Thomas. Bah ouais, le conseil, c'est de se calmer. Bah calme-toi, parle avec elle surtout, tu vois. Parce que tu l'auras jamais sinon. Ok, ça va, bah c'est ce que je vais faire alors. Et Jonathan, vas-y. Bah ouais, parle-lui, essaye de voir un peu de quel côté elle est, tu vois, si elle a envie d'un truc. Ouais. Parce que là, j'ai un peu l'impression que tu t'imagines un peu trop ta vie avec elle, alors que elle, tu sais pas forcément ce qu'elle veut, tu vois. Pas du tout, oui, c'est... Je me fais des plans, hein. je me fais des films. Hein. Ouais, bah c'est chaud. C'est clair, hein. Ouais, et en plus, tu te fais du mal à toi-même. Ah oui, ça c'est clair. Donc voilà, ça sert à rien. D'où les mauvaises journées. Et elle, comment... Comment elle réagit face à ta jalousie? Elle est gênée? Elle est comment? Je lui montre le moins possible. Ouais. Parce que bon, je voudrais mettre toutes les chances de mon côté, quoi. D'accord, donc au moins t'arrives à lui cacher. Bon, c'est déjà un bon point. Oui, ça déjà, oui. Ça déjà, je parviens à lui cacher, comme tu dis. Mais il faut que t'arrêtes. Je vais suivre ton conseil. Je vais d'abord lui en parler pour voir, aller plus profondément, pour voir si j'ai des chances. Mm-hmm. Et voilà, quoi. Et bah, c'est une bonne idée, Juan. Okay. C'est l'idée qui revient le plus d'ailleurs sur les SMS au 30-44 et voilà. Mais Juan, tu nous rappelles quand tu veux, tu nous rappelles quand t'auras pécho la meuf, ok? Ok, super, je le ferai. Salut frérot, à bientôt. À plus, Juan. Dans l'open. Bisous, salut, bisous mon pote. Bisous, ciao. Bisous. Tu reviens quand tu veux. Mais non, mais si, moi je me suis jamais tombé sur une meuf jalouse. Ah non? La seule fois où ma meuf a regardé mon téléphone, je sais pas si vos meufs regardent votre téléphone. Ouais, c'est avant. Ouais, Zezel. Non, aucun accès au téléphone. Ouais, mais Zezel, il change son code toutes les semaines aussi. Exactement. Ouais, tu vois. Bah, la seule fois où ma meuf a regardé mon téléphone pour vérifier mes SMS, je suis vraiment passé pour un con. Pourquoi? Elle a pas réussi à l'ouvrir, mais j'avais téléchargé l'application, tu sais, avec le chien qui lèche l'écran. Et je l'avais mis en écran de verrouillage. Et voilà, j'ai perdu toute crédibilité ce jour. 23h40 sur Fun Radio. Dans quelques instants, tape à l'info mec, Jonathan, à celle des infos. Des infos insolites sur internet. Il vous donne le début. À vous de trouver la fin. Et vous repartez avec du cadeau Fun Radio. Et puis le son que vous avez choisi d'MHD là sur la SMS au 3044. C'est Maman j'ai mal, ça fait plaisir. MHD, on l'a jamais passé dans l'émission celui-là, mettez-le à fond. Ah, tu sois riche ou pauvre, au fond c'est la même. Et même quand t'as rentré devant le tout puissant, j'essaie de garder la foi. En tranger des mots, je pète les deux à la fois. Maman me fait confiance, elle dit que je suis un bras. Pour la sortir des soucis, je peux laisser un bras. Le bête contre moi à la fin du mois. J'ai plus la force pour lever le one. Toujours le même, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début d'une histoire qui s'écrit. Maman j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Ah, plus souvent sous le porche qu'à la maison. L'équipe s'est réduite à chaque saison. On m'a dit MHD, vas-y tout seul. Personne te suivra dans ton cercueil. La confiance achète, l'amitié ça paye pas. Si l'amour est aveugle, pour maman je serai Charles. Un oeil sur ma montre, c'est mon air qui approche. Avant de bouger d'ici, je vais faire danser mes proches. Toujours le même, j'ai pas changé. J'ai blessé des gens, j'en suis désolé. Le soir chez moi, je gratte des cesses pour me consoler. Toujours les mêmes qui m'ont suivi et les mêmes qui m'ont haï. J'ai pas changé d'équipe. Le début d'une histoire qui s'écrit. Maman j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal, maman, j'ai mal. Et plus le temps passe, je me rends compte que le succès n'est jamais très loin. J'étais loin des strass, j'appréhende toujours quand je monte sur l'estrade. J'entends le bruit de la foule. Maman, t'inquiète pas, ton fils va tenir le coup. Je me plains pas, j'ai la meuf qui m'entoure. On dit que j'ai prié, alors j'attends mon tour. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie de tracer mon chemin, mais les jaloux sont là. Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal. Bonne nuit. Merci d'être branché sur Fun Radio. Chaque soir ici, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, d'où que vous veniez, chrétien, juif, musulman, athée, rejoignez-nous, c'est l'Open Space jusqu'à 2h. Le jingle est pas parti. On va le remettre quand même, Open Space sur Fun Radio. Non, on va pas le remettre. Jusqu'à 2h avec Jonathan qui est là, avec Gisèle, oui. Également vous tous et vous tout en direct au 02 851 4x0. Dans quelques instants, la suite du son Dancefloor. On va s'écouter le son de Julian Peretta, c'est à Cry qui est à venir. Ah, j'adore. Il y aura Fifth Harmony aussi, qui a un petit Walk From Home. Juste avant minuit. S'il y a un son que vous voulez vous écouter, bah vous connaissez la chanson, c'est vous qui faites la prog de cette émission. On peut changer la prog pour vous à la dernière minute, vous nous en faites la demande par SMS au 3044. Si on nous demande du Black M, Moni, c'est Florian qui nous dit ça. Je vais essayer de le caler, Florian. Est-ce que c'est possible de mettre le premier disque de Village People? Merci, bien à vous. Et ils en ont fait qu'un. Ah non, ils ont fait deux. Juin. Ah ouais, ils ont fait YMCA, ils ont fait quoi d'autre? Macho, Macho Man. Ah bah je vois que tu connais. Welcome, Jonathan. Bah écoute, je kiffais particulièrement le policier, voilà. Ça peut donner. Bah quoi, ça va? Tu m'as, non, mais tu m'as ta galère. Tu m'as confessé que tu kiffais l'Indien. Ah, j'ai. Bah est-ce que. Voilà. Merci. Bon, allez, on va faire un top à l'info mec là maintenant avec c'est Jonathan. Ça. Et c'est qui est dans le standard, frérot Zezel là? Tu m'as pas mis le nom. Zezel, putain, Anthony. Bonsoir Anthony. Le pauvre. Mais il me stresse. Il est en panique aujourd'hui. Ça va Anthony? Ouais, vous. À bientôt. Bah, mieux que Zezel. Oh. Ah, il est pas bien du tout, hein, Zezel. Hein. Il est en stress, il a l'impression depuis tout à l'heure. Il a perdu 10 kilos depuis le début. Il est un peu malade, à mon avis. Non, c'est pas ça, c'est que le standard, si tu veux, il bug. Et que Zezel doit, du coup, être au four et au moulin. Moulin, grosso modo. Ah ouais, non, j'ai au commissaire faire moulin, d'ailleurs. Ah, pas mal l'expression, quand même. Au four et au moulin. Bah, quoi? Ouais. Bah c'est pas dans les vieux pots qu'on fait. Enfin, voilà, bref. J'avais qu'une expression, les gars, faites pas chier. Bon. Alors, frérot, on va faire le tap à l'info, mec. Jonathan a sélectionné des informations sur internet. Oui. Il nous donne le début, à toi de trouver la fin. Tu vas jouer contre un membre de l'équipe, d'accord? Donc tu vas jouer contre Zezel. D'accord. D'accord, t'as le droit de lui poser des questions et Jonathan peut répondre par oui ou par non. T'as 35 secondes pour trouver. Vous pouvez éventuellement aider Anthony chez vous à la maison au 3044 ou aider Zezel. C'est le même numéro. Tu veux commencer ou tu laisses Zezel commencer, Anthony? Je laisse Zezel commencer. Très bien. Bah c'est parti, tape à l'info, mec. Avec Jonathan, on y va. Pas l'info, mec! Ah la tristesse, on y va. Zezel! Ouais. Une vodka qui aurait un effet insolite va bientôt exister. Mais quel effet? Un effet aphrodisiaque. Non. Un effet somnolent. Non. Un effet actif, donc qui te réveille. Comme Bifidus de s'actif? Non. Un effet, je sais pas. Il pourrait être un peu comme le Viagra? Non. Est-ce qu'il pourrait te faire danser un peu plus? Ça a un rapport avec le sexe ou pas? Ça a pas rapport avec le sexe, non. Ça a un rapport avec de la drogue? Ça fait des effets de drogue? Non, pas effet de drogue. Je vais t'aider un peu, Zezel. Ouais, merci, mais putain, c'est chaud quand même. Bah, disons que quand t'as l'âge de Madonna, t'aimerais bien boire cette vodka, ouais. Ah, un effet rajeunissant. Oui! Bien joué. On y est. Ah, mais dis donc. Une vodka, en fait, qui rajeunirait carrément, c'est une entreprise allemande, Anti Everything, qui va bientôt mettre ça sur le marché. Donc, en fait, la vodka sera composée de collagène, de caviar et d'argousier. C'est un arbuste plein de vitamine C. Et pour l'instant, les 4 bouteilles de 100 ml valent à peu près 50 euros. D'accord. C'est, voilà, mais bon. Et cette vodka, bah, c'est comme Activia, c'est bon à l'intérieur, ouais. Mais ça se voit à l'extérieur. Exactement. Tu peux me refaire l'imitation que t'as fait il y a 2 secondes, Zezel? Oh, mais dis tout donc, mais. Putain, mais. Nicolas Canteloup? Non, ça m'a été. Et juste un dernier truc par rapport à la vodka, il y a Gérard Depardieu qui a déjà commencé 10 cartons. Voilà. Allez, merci. Ouais, Anthony, c'est à toi. Anthony ? Oui, oui. Un homme n'ayant pas trouvé de dentiste a décidé de se soigner tout seul. Comment a-t-il fait ? Il s'est arraché les dents. Non. Pose tes questions. Est-ce que ça fait mal, la solution qu'il a trouvée ? Non, justement, ça fait pas mal du tout. D'accord. Il s'est shooté à quelque chose ? Non, il s'est pas shooté, non. Aide-moi, Anthony, hein, je vais bosser à ta place. Il a pris de l'alcool. De quoi ? Il a pris de l'alcool pour plus avoir mal. Non, pas de l'alcool, pas de l'alcool. Et, tu m'as dit qu'il a pris des drogues ? Il a pas pris de drogue. L'alcool, c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'il a pris, non. Il a pris un truc. C'est pas mal, mais c'est pas ce qu'il a pris. Il a perdu toutes ses dents ? Il a pas perdu toutes ses dents, non, non. Il avait une couronne, et pour réparer sa couronne, il avait. Allez, c'est pas l'info. Il avait mis de la super glue. En fait, il a mis de la super glue pour un peu coulmater sa couronne dentaire. Et il a fait ça pendant 3 ans. Et ça n'a rien à voir avec l'alcool. Et c'est ce que j'ai dit. L'alcool, la colle. Tu vois, c'est pour ça que j'avais mal entendu. Oh là là. Et en fait, il avait pas trouvé de dentiste dans le privé car soi-disant ils étaient tous pleins. Et pendant 3 ans, il a mis de la super glue. Et le gars est quand même assez dingue dans sa tête parce qu'il nous donne des conseils. Il dit qu'il faut pas en mettre trop car ça pourrait nous coller la bouche. Enfin, merci ne le à lui. Pas aller voir des dentistes. Ah, évidemment, aller voir des dentistes. Ce sera mieux. Bon, alors, sinon, vous vous retrouvez avec la dentition de Joey Star. C'est pas si mal. Hein. Zezel, c'est à toi. Deuxième, t'as pas l'info. Allez, Zezel, attention, t'es parti. You. Un nouvel appareil va améliorer le quotidien de pas mal d'hommes et de femmes. Mais quel appareil ? Un appareil pour maigrir ? Est-ce que c'est un appareil pour maigrir ? Non, c'est pas un appareil pour maigrir. Est-ce que c'est un appareil pour avoir de meilleurs rapports sexuels ? Non plus. Est-ce que c'est un appareil qui permet de plus entendre sa femme ? Non, non, non, pense aux tâches ménagères. Aux tâches ménagères ? C'est un appareil qui fait le ménage tout seul ? Non. Qui fait la vaisselle tout seul ? Non. Ah, la vaisselle. Ça s'appelle une meuf, ça. Ah, mais la vaisselle tout seul. Est-ce que c'est un truc qui fait le repassage tout seul ? T'y es presque. Est-ce que ça a à voir avec les vêtements ? Oui. Ok. Est-ce que c'est qui lave tout seul ? Bah. Oh. Non, non, non. Mais pense à repasser. Y a ça, c'est ça une maman, ça. Est-ce que c'est quelque chose qui permet de ne plus avoir de taches sur les vêtements ? T'as pas l'info, mec ? T'as pas l'info. Tu l'avais à moitié, mais je peux pas te donner le point en fait. C'est un robot ménager qui serait capable de repasser, plier et parfumer le linge en moins d'une minute. Oh putain, l'enfant. Voilà, voilà. Donc en fait, le vêtement peut néanmoins pas plier des vêtements trop larges, des draps ou même des chaussettes parce que c'est trop petit. D'accord. Et voilà. Bon, désolé pour Maggie de Blog, d'ailleurs, elle pourra pas se le permettre. C'est ça. Bah oui, un chemisier pour Maggie de Blog, c'est l'équivalent d'une nappe pour nous. Donc si vous voulez, ça passe pas dans la machine. Hein. C'est ça. Et l'appareil s'appelle Foldimate, il est déjà en vente et ça coûte entre 700 et 800 dollars. Très bien. Bon, on va faire le dernier vite fait avec toi, Anthony. Si tu marques un point, c'est cadeau Fan Radio qui arrive à la maison, d'accord ? D'accord. Anthony, je compte sur toi. Allez, Anthony, celle-là, elle est facile. D'après un sondage récent, quelle est l'actrice qui fait le plus fantasmer les hommes ? C'est une actrice porno ? Non, c'est pas une actrice porno. Elle a joué dans les films, dans un film très connu. Maria Carré ? Dans les 4 Fantastiques, elle a joué, je vais t'aider. Maria Carré comme actrice, quand même. Bah, Maria Carré, actrice, me fait moins rire que Maria Carré, sexy. Elle a joué dans les 4 Fantastiques. Ça s'appelle Jessica. On peut pas faire plus. Hein, non, on peut pas. On peut pas là. Je sais pas. Bah Jessica, comment, tu connais pas une Jessica célèbre qui fait fantasmer tous les hommes sur cette planète ? Non. Bah t'as pas l'info, mec. C'était Jessica Alba. Donc comme on l'a dit, elle a joué dans les 4 Fantastiques. Et le sondage il vient de paraître. Là, le deuxième. À votre avis, qui est le deuxième vite fait ? La deuxième plutôt. La deuxième. Oui. Putain, je sais pas, Selena Gomez, j'en sais rien. Non, non, Selena Gomez, c'est pas vraiment une actrice. Non, c'est Ariana Grande. Mais non, c'est pas une actrice, Ariana Grande. Ah, c'est une actrice, pardon. Oui. Non, non, c'est Scarlett Johansson. Et Nathalie Portman. Non. Emma Watson. Je l'aurais mise en première d'ailleurs. Ah ouais, Emma Watson, c'est Hermione Granger. Hermione Granger, c'est ça, elle est canon, ouais. La meuf. Hein, ah, je suis d'accord, je valide. Bon, donc, très bien. Bah, cadeau Fan Radio qui arrive quand même à la maison pour toi. Ouais, juste pour Maria Carré, actrice en fait. Ouais, c'est ça, juste pour la vanne. Et okay, Anthony, comme cadeau. Mais tu vas gérer ça avec Zezel, d'accord. Vu ta prestation dans le tape à l'info, je rappelle mon malin si j'étais toi. Parce que le cadeau, je vais l'enlever. Il y a eu 0-0 quand même, frérot. Bon, merci quand même. Bonne soirée. Avec plaisir, Anthony. Bonne soirée, mon pote. A bientôt, Anthony. A plus, Antoine. Oh, Anthony. Raccroche pas, Anthony. On va te filer la médaille de l'homme le plus motivé du monde. Tu ne bouges pas. 23h50 sur Fun Radio. Il y a le son de Fifth Harmony qui arrive. JT déjanté aussi et tous les défouloirs prépa, bienvenue tout le monde, c'est l'Open Space. Mike Open Space. Mike Open Space revient tout de suite maintenant sur Fun Radio. Et le Facebook, c'est Mike Open Space, allez faire un tour dessus.

come back, would you come back to me, yeah. Come back to me, yeah. Come back to me, yeah. When you're gone, that's why. Merci d'avoir choisi Fun Radio, toute la Belgique en entier. Ramenez-vous chaque soirée si on fout le bordel. Open Space, 02851 4x0 dans 3 minutes. On va tester la véracité de certains clichés. On va faire le SOS cliché là. Ah, ça va être bon, ça. On avait vérifié que déjà toutes les poules n'avaient pas des dents. Puisqu'on avait eu un monsieur poule qui nous avait avoué avoir des dents. Aussi, ouais. On va tester quoi aujourd'hui, Jonathan? On va tester juin. Pour voir monsieur si... madame juin. Pour tester sa date de naissance. Ouais, c'est ça, pour voir si son nez. On... T'es vraiment date. Con, putain. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need. But you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it in a motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby. Tiens, dans quelques instants sur Fun Radio, on va tenter de rappeler Cyril Hanouna là, c'est Maître Kevin qui va essayer de l'obliger à son employé. Bienvenue tout le monde. Bienvenue dans l'émission la plus incontrôlable du pays, c'est l'Open Space. Une galère, appelez l'Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bon. Yassa et la famille avec Jonathan qui est là avec Zezel, je m'appelle Mike et vous tous et vous toutes qui m'explosez le standard, appelez-nous, faites vivre avec nous la liberté d'expression. Vous avez besoin de parler, et ben on est là pour vous écouter les amis. Et si vous avez besoin de qu'on demande aux auditeurs des conseils pour vous, pas de soucis. 02 851 4x0. Les réseaux sociaux de l'émission, tiens vas-y Jonathan. Alors les réseaux sociaux, c'est sur la page Facebook que ça se passe, Mike Open Space, venez faire un like et venir parler avec nous si vous avez un truc à dire. Sinon il y a aussi le Twitter Mike Fun Radio où tu refollow back les gens directement. Comme ça on se suit, ouais c'est sympa. Mutuellement, voilà. Et puis aussi il y a le Twitter le Snapchat Mike Open Space si vous voulez venir suivre en direct les coulisses de l'émission avec des photos et des vidéos que tu mets directement en live. Ah oui, tiens, attends, on en fait une. Allez, je vais prendre une petite vidéo sur Snapchat. Donc Mike Open Space, rejoignez-nous les amis, il y a Jonathan. Voilà, et il y a Zezel également avec son pot de gel sur la teuté. Ah putain, c'est dégueulasse. Abusé. C'est abusé. C'est dégueulasse. Et Zezel, tu vas perdre tes cheveux très très jeune, frérot. Enfin, quoi que t'es déjà vieux. 30 piges, mon Zezel, mais enfin bon, tu vas pas pouvoir les garder très longtemps si tu continues à mettre autant de gel sur la tête, frérot. Bah non, mais c'est bien, franchement, regarde la coupe. T'as fait un peu Ibrahimovic, mais sans la petite couette encore pour le moment. Ça fait Ibrahimovic. Ouais. Ça fait plutôt. Ibrahimovac. Non, j'allais dire Bernard Francisco qui joue au FC Lorient, plutôt mon petit Zezel. Je connais pas, toi. Ouais, pour le moment, c'est vrai. Bon, y'a Shin Sekai qui arrive. On va tester, on va faire le SOS cliché aussi. Ouais. On va appeler un monsieur Juin pour, monsieur savoir, pour connaître sa date de naissance. Tabellable. Si pas bien aussi, le jeu le plus dur du monde. Et grosse session l'autofoot aussi prévue dans l'émission, puisque l'Euro 2016 commence demain. Et je tiens à dire à ma meuf Coralie, eh bien ma chérie, on ne sortira plus du week-end, on ne sortira plus jusqu'au 10 juillet, la c'est pauvre. Fini. Je me coupe du monde social et je me mets devant l'euro avec des binous et des chips. Ah, des binous et des chips. Fuck le régime. Ah d'accord, j'ai compris. Fuck le régime pendant l'euro, les amis. Mini 3, voici les titres à la une de l'actualité demain, voici l'heure du JT déjanté. Transformation à journaliste bidon. Hello Gonathan. Hello Zezel. Hello à tous. Déformation professionnelle. Et oui, le corps d'un ramasseur de balles de Roland Garros retrouvé dans un camping, les mains agrippées à une boule de pétanque. Réalité. Oui, quand un unijambiste se lève du mauvais pied, eh bien il s'en rend compte tout de suite. Circoncision. Le rabbin avait jeté le mauvais morceau. Une mère de famille a élevé un bout de peau pendant plus d'un an. Oh. C'est dégueulasse. Des rats crevés depuis 7 ans. Oui, les secrets de la fabrication de la cantine de Fun Radio enfin dévoilés. Message aux femmes. Oui, les filles, si vous en avez plein de dos, eh bien demandez à votre copain d'apprendre à viser. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Et le si pas bien qui arrive dans 3 minutes sur Fun, appelez-nous au 02 851 4x0, vous inscrivez en envoyant MIKE plus le code si pas bien. Vous balancez ça au 6322, il faudra tenir 30 secondes sans dire si pas et bien, sans faire deux fois le même son. Ni plus de 2 secondes de blanc, et le jeu en vaut la chandelle, puisque pour vous, il y a une montre connectée qui sera peut-être dans votre boîte aux lettres dans les prochaines semaines si vous gagnez le si pas bien. Voici The Shin Sekai sur Fun Radio. Bonne nuit. Quand je n'étais plus rien, tu m'as redressé. Te donner le meilleur, j'essaie. Une femme comme toi, comment laisser? Tout ce que je ressens, Dieu seul le sait. Je veux compter sur elle, on se connaît. Toi et moi, c'est pareil, ton pied, mon pied. On est passé du pluriel au singulier. Il n'y a qu'à tes côtés que je suis comblé. Plus rien ne me manque quand tu es là. Tu es là, tu es là. Plus rien ne me manque quand tu es là. Tu es là, tu es là. Et tu me comprends sans que je dise un mot. Ce qui nous voit diviser en tout faux. Supprimer les faux. On ira plus loin. Sans se voir. Et si ce monde est faux, tu es la seule chose qu'il me restera de vrai. Souvent j'en perds mes mots et celle de très haut, c'est à quel point je suis fier. Et tu me comprends sans que je dise un mot. Ceux qui nous voient diviser ont tout faux. Supprimer les faux, on ira plus loin. Ce que j'étais, j'étais. Je ne laisserai personne te blesser, blesser. Tu m'as piqué, ce qui est fait, fait. T'es mon ami, mon double et mon bébé, bébé. T'es ce que je suis, ce que j'étais, j'étais. Je ne laisserai personne te blesser, blesser. Tu m'as piqué, ce qui est fait, fait. Ce qui est fait, fait. Ce qui est fait, fait. en sang, je dis un mot. Ceux qui nous voient divisés ont tout faux. Supprimer les faux, on ira plus loin ensemble que ça. Et tu me comprends sans que je dis un mot. Ceux qui nous voient divisés ont tout faux. Supprimer les faux, on ira plus loin ensemble que ça. Ta da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Et bienvenue la Belgique. Merci d'avoir choisi Fun Radio jusqu'à 2h, c'est l'Open Space dans vos oreilles. 02 851 4x0, Mike Open Space sur Fun Radio. Merci la grosse voix de Fun Radio qui vient de vous donner le numéro à composer pour venir faire de la radio avec nous. Libre antenne jusqu'à 2h les amis, avec dans quelques instants la suite du son Dance Floor. On va se faire Erase Treffy, c'est ce qui arrive. Bonne bonne. Ah je kiffe. L'albanaise. Ah l'albanaise, ouais. Qu'on vous a fait découvrir sur Fun Radio. Et vous savez quoi? Ah non, j'allais te le dire, mais dis-le moi. En albanais, bonne ouais. Bonne. Ah je savais pas. Eh bien ça veut dire bonbon. Non. Eh ouais les gars. On apprend des trucs dans l'open space. Il y aura les news in chilos. Mais je vous jure que j'ai vraiment tapé dans Google Traduction. J'ai fait traduction franco-albanaise bonbon. Ah ouais. Bah moi je vais aller dire, tu sais ce que ça veut dire Erase Treffy? Non. Bah moi non plus. D'accord, merci beaucoup. Il y aura le son de Galantis à venir aussi tout à l'heure sur Fun Radio. Ah le nouveau Chris Brown de Calais. Ah c'est bon ça, Run It, est-ce qu'on a un morceau, un petit... Ah c'est pas le nouveau Chris Brown. Non. J'ai voulu tenter. Mokobé, un petit calé avant 1h du matin et puis bah, les sons que vous voulez vous écouter au 30-44, comment faire toute crédibilité. Et ça quoi. Va, mais t'es calé, enfin je veux dire le nouveau son en 2003 quoi, tu vois, donc t'es calé quoi. Mais c'est pour ça, le truc est tellement ancien, on le joue très peu souvent dans l'open space. C'est ça. Je croyais qu'il était nouveau, ça va, excusez-moi, c'est celui qui s'est jamais trompé sur un son de Chris Brown me jette la première pierre. Voilà. Ah, je viens de prendre une pierre par Chris Brown qui n'est pas calmé ses excès de violence apparemment. On va faire, avant de faire les infos inutiles, avant d'apprendre d'autres trucs dans l'open space, oui. On va faire le SOS cliché. Ouais. Comme chaque jeudi soir, on en a marre des clichés, on en a marre des amalgames dans cette émission. Et on a décidé de tout faire pour contribuer et pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice pour y mettre fin. Absolute. Donc on a testé déjà Monsieur Poule, on a testé... On a testé quoi d'autre? On avait testé Monsieur Madame Quiche pour voir si toutes les blondes étaient des quiches. Exactement, et non puisque la personne était brune. Voilà. Voilà, la poule avait des dents. C'est ça. Et ce soir nous allons tester... Monsieur ou Madame Join pour connaître sa date de naissance. Je vois pas trop où est le cliché en fait, Jonathan. J'étais en train de me dire ça pendant le son. Bah, c'était soit ça, soit pour savoir s'il était camé. Donc. Oui, non. Ok, ouais, non, c'est mieux. La première est mieux. Donc, on va l'appeler. On va se faire embarrer royal comme d'habitude. Et si vous voulez faire un jeu avec nous, vous inscrivez à Mikael. Plus vos coordonnées, vous balancez ça au 63-22. Allô. Allô, Monsieur Join. Qu'est-ce que vous voulez encore? On sait pas, on sait pas me foutre de la paix, je suis en train de me branler ici. Bah, Monsieur Join, c'est la première fois que je vous appelle Monsieur Join, c'est une petite étude en fait. Non, c'est moi, ça me tue, on me téléphone tous les jours. Non, non, c'est, je vous jure que c'est la première fois que je vous appelle Monsieur Join. Mais je m'en fous, monsieur. Mais c'est pour une petite étude, monsieur. Mais je vous écoute quand même, dites-moi là quand même. Ça prendra une minute, c'est sympa, monsieur, en plus il est minuit 11. Je voulais savoir votre date de naissance, monsieur. Pourquoi vous la voulez? Mais non, mais c'est pour une étude, monsieur, je vous expliquerai après. Monsieur Join, vous êtes Monsieur Join? Oui, pourquoi? Bah, dites-moi votre date de naissance, monsieur. Le 20 du 11. Le 20 du 11, bah, c'est bon, vous êtes né en novembre alors? Non, je suis au mois de novembre. Au mois de juin, pardon. Bah, vous êtes né le 20 du 11, donc le 20 novembre? Non, le 20 du 6, ça te va? Ah, le 20 juin? Donc vous êtes monsieur Join et vous êtes né en juin? Voilà, vous m'en appelez maintenant. Bah, c'est l'IRA! Mais non! franchement, c'est un truc de dingue. Gal ou Jade ce soir? C'est Gal et Jade et Gaudrigal. Merci monsieur Join ce soir. Merci pour cette petite étude. Ça va, c'est bon pour une fois, mais non. Arrêtez de m'appeler. Vous étiez occupé de faire quoi monsieur? De me branler. Ah d'accord, c'est ça. Et c'est quel site? Mais je suis regardé mon porno ici à Canal Plus et vous m'emmerdez. Ah sur Canal Plus dans son canapé, à mon avis. Il a toutes les chaînes, à mon avis. D'accord. Il paye un abonnement. À la télé ou sur l'ordinateur? À ma TV. D'accord, c'est sur quelle chaîne? Ça m'intéresse. Ça vous regarde pas hein. Ah non mais ça m'intéresse parce que je sais pas quoi faire ce week-end monsieur. Mais vous êtes marié, je vous entends. Ah non, je suis pas marié, non. Non pas encore, c'est en bonne voie mais pas encore non. Et je suis célibataire justement donc je sais pas quoi faire ce week-end. Donc vous pouvez me conseiller peut-être. Je vous appelais pas du tout pour ça à la base. Quelqu'un d'autre. Eh ben, trouve ta une autre commère, c'est tout, hein. D'accord, ok, bah je vais m'y attacher, monsieur. Vous voulez pas me donner vos sources, vous voulez faire votre crevard sur vos sites de cul, bah faites votre crevard. Voilà, vous avez tout à fait raison. Bon, bah bonne soirée, monsieur Join, alors. Monsieur Join qui est né au revoir, en 22 monsieur. Juin. Voilà. Oui, merci, au revoir. Bah, c'est magnifique, merci monsieur. Hein. C'est quand même le mec. C'était David Antoine, bisous. C'est quand même le mec le plus antipathique du monde, mais qui dit merci, au revoir. Quand même. Ouais, je pense qu'on va garder son numéro en stock parce que le gars est très très bon quand même. Ah, monsieur Join, c'est pas mal. Bon, voici de vraies infos que vous aurez oubliées dans 5 minutes sur Fun Radio. Voici les infos. Balayex. Balayex, balayex, balayex, c'est balayglaoui. Balayex, balayex, balayex, c'est balayglaoui. Attention, c'est les infos. Balayex, ça. Allez, sachez-le, écoutez bien de vraies infos que vous aurez oublié dans 5 minutes ou que vous pourrez vous en servir demain pour vous la raconter à la machine à café dans la cour de récré. Les petits beurres, vous connaissez les ouais, gâteaux ouais, de la marque Lu, eh bien ils ont une caractéristique. Est-ce que tu sais, Jonathan? La caractéristique, non, je sais pas, on peut pas en manger plus que 3, j'en sais rien. Non, non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est une caractéristique physique. Les 4 coins des petits beurres, oui. Ça représente les 4 saisons. Ils ont 52 dents, coins compris, comme les 52 semaines de l'année, et ils possèdent 24 trous, comme les 24 heures de la journée. Waouh! Et 24 roues comme ta meuf, Jonathan. Crame pas les doses. Bien, t'en as une, Jonathan? Ouais, il y a plus de bactéries dans votre bouche que d'humains dans le monde. Ah ouais? Bah, je vais même pas voir l'état de ta bouche, toi. Ou de la bouche à Chris Bieber, c'est pareil. Je vais essayer de parler à la bouche fermée. Là, j'en ai une pour vous, écoutez bien. La durée moyenne d'un mariage, c'est 11 ans. Voilà. Ah, ça va. Mais sans les remises de peine après. Hein. Là, c'est à vie, je crois. Allez, une dernière, Jonathan. Ouais, j'en ai une dernière. Sachez-le, une personne sur 4 passe à la caisse moins de 10 articles au supermarché avec plus de 10 articles. Putain, je propose de tuer ces gens-là. Et les attacher à un mur aussi, putain. Ah, je te jure. Et de le jarter la première pierre également. C'était les infos. Et j'en ai d'autres, je vous les redonne sur Fun Radio d'ici 2h du matin. Il est minuit 14, merci de nous avoir choisis. Dans quelques instants, on va se faire les défoule room. Si pas bien aussi qui arrive, bien sûr, le jeu le plus dur du monde. Rappelle-nous les règles. Tiens, bah Serge Baraki, Serge Vente de pute. Serge Baraki, tu sais à qui tu parles quand même, fieu. Serge Vente de pute. Serge Vente de pute, le boss des studios de Fun Radio, des réclamations. Non, le boss du service réclamation de Fun Radio. Oui, mais j'ai mon propre studio, fieu. Ne vous emballez pas, Serge Vente de pute. Je t'appelais Chouka parce que je t'aimais bien, mais voilà. Bref, le si par bien, c'est pas très vous compliqué. Vous m'appelez plus Chouka, vous m'appelez fieu. Non, Chouka, ça va. D'accord, plus Chouka. Allez, le si par bien, c'est pas compliqué. 30 secondes, il faut tenir, il faut pas dire 3 mots. Si, pas, bien, tenir 30 secondes comme je l'ai dit. Pas 2 fois la même réponse et surtout pas 2 secondes blanc. Sinon c'est pardaf. Exactement, inscrivez-vous maintenant. Écoutez bien ce qu'il faut faire pour s'inscrire. Il faut envoyer le code MIKE, c'est hyper important. M-I-K-E, ouais. Plus si, pas bien. Vous balancez ça au 6322, les amis. On se fait le si, pas bien. Avec une montre connectée qui va tomber peut-être chez vous à la maison juste après. Erais Treffy sur Fun, ban ban. This is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get the chitty, dun, dun. King of the day, I just speak on. I don't matter me, can't. Bonne nuit sur Fun. Are you ready? Une galère? Appelez l'Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bons. Et avec vous jusqu'à 2h du matin sur Fun Radio. Attends, je vais essayer un truc. Naten et Mire. Tu sais ce que ça veut dire? Naten et Mire. Ça veut dire bonne nuit en albanais. On vient d'écouter Rise Trefi. Elle est albanaise, on en parlait tout à l'heure. Eh ouais, les gars. Putain. J'apprends vite les langues. Voilà, je suis quadrilingue. Eh ben, on verra si t'en si bon en culture générale parce qu'après. Dans pas longtemps, on va se faire un qui peut battre Mike comme tous les jeudis. Qui peut battre Mike comme tous les jeudis, mais je suis assez confiant, je vous l'avoue, puisque eh bien je brigue ma 7ème victoire. Non, mais combien ? 8 victoires. Oui, 8ème, ouais. Ma 8ème victoire peut-être ce soir consécutive. Sauf si vous me battez au qui peut battre Mike, vous vous inscrivez MIKE plus vos coordonnées, vous balancez ça au 6032 et évidemment, il y a du gros cadeau pour vous puisque dans qui peut battre Mike, on offre quoi, Jonathan ? On offre une montre connectée. Exactement, et on offre aussi une montre connectée dans le si pas bien. Autant vous dire qu'on a fait une razzia sur les montres connectées. Ah ouais. Il y a Philippe, il est parti dans une brancante. Et je te jure, il a tout acheté les montres connectées qui traînaient par là. Mais vous inquiétez pas, on vous a pris le haut level, hein, les hauts de gamme de la montre connectée. Le si pas bien, on vous en offre une. Si vous tenez 30 secondes sans dire si pas bien, sans faire deux fois le même son, sans faire plus de 2 secondes de bien, Serge Baraki. Serge Vente de pute. Putain, merde, pourquoi ça vous appelle Serge Baraki? Putain, j'en sais rien, que tu commences à m'énerver, Chouk. Je sais. Lego. J'en ai marre. Lego. C'est le si pas bien dans Mike Open Space. Le jeu le plus dur du monde. 02851 4x0. Serez-vous à la hauteur? Et c'est la question à laquelle on va tenter de répondre comme chaque soir maintenant sur Fun Radio avant d'écouter Galantis et Nomoni pour la suite du son dance floor. Avec. Eric qui est là, bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir, ça va Eric? Excellent et vous? Oui, super, que fais-tu de ta soirée Eric? J'étais en train de lire un livre. Quel livre? Un manga. Ah ouais d'accord, c'est pas vraiment un livre. On va dire. Ouais c'est ça, c'est quoi comme manga? Berserk. Ok, et quelles sont les trois syllabes à ne pas dire dans le si pas bien? Deux secondes de blanc. Deux secondes de blanc. Et en plus, il a dit on va lire un livre, donc. Ah, c'était... deux fois le son lit. Ah, il était. Ah, je l'avais pas capté. Voilà. Bouge pas, Eric, tu vas avoir une deuxième et une troisième chance. Dernier si pas bien de la semaine, MIKE plus vos coordonnées, vous envoyez ça au 6032, évidemment, plus le code si pas bien. C'est important pour gagner la montre connectée. Il y a pour toi, Serge, ouais. Audrey. Salut, Audrey. Salut. Comment tu vas? À merveille. Ah, tu fais quoi? Rien. Ah, tu fais rien, mais t'as une voix toute mignonne. T'as pas envie de me raconter un peu ta journée? Allez, dis un peu à tonton Serge que t'as fait aujourd'hui. Calme Serge. Mais quoi, ça va, Jean? J'ai pas très bien entendu. Oui, bah, c'est... j'ai l'impression que je te perturbe. Ah, tu te reposes, j'ai l'impression que je te perturbe un petit peu, hein, Fique? Qu'est-ce que tu fais là? Absolument. Ah bah absolument, et attends, t'es occupé de me foutre dans la merde, t'as pas un truc à dire? Que je suis étudiant? Putain, mais... Eh putain. Quoi? J'ai l'impression qu'on nous a niqué ce soir, Mike. Oh non, Serge. Mike, on nous a niqué. Serge, j'avais 3 semaines d'invincibilité, me dites pas. Audrey fait plus que 30 secondes. Ah ben là, on a 45 secondes parce qu'on parle un petit peu, moi sinon on a fait 33. Mais tu fais chier, Serge. Mais je suis désolé, Mike. C'est gagné, Audrey, bravo ma chérie. Je suis désolé, merci. Tu viens de nous battre aussi pas bien, bravo, bravo, bravo Audrey. Ça fait 3 semaines que c'est pas tombé le si pas bien. Et la montre connectée, elle arrive chez toi à la maison. Mais je pense que Serge... Non. Bah parce que j'étais occupé à parler à Zezel en fait, lui dire les consignes pour la suite de l'émission. C'est pas ça, mais ça... Je suis sûr que vous avez laissé passer des doses. Non. Et si vous avez laissé passer un dos, Serge, je reçois un message qui me dit en fait Audrey a dit si ou elle a dit pas. Ouais. Je vous jure que c'est sur votre fiche de paye que je prends le cadeau. Tu sais, je vais te dire un truc, ça fait longtemps que j'ai pensé rien de petite. Et alors, je sais pas, sa voix m'a perturbé. Elle a une voix toute mignonne comme ça, j'ai pas l'habitude d'avoir des petites potiotes comme ça au téléphone. Bah je sais pas, Audrey, peut-être que comme Serge t'a fait gagner, tu veux bien lui accorder un rencard. Alors plus qu'intérêt. Absolument. Ah, continue à jouer en plus. Bah, c'est sympa, voilà. Ah. Et bah Audrey, je te repasse Serge Vente de pute et Zezel hors antenne, d'accord? Merci. Bravo Audrey, hein. Bravo, montre connectée qui arrive à la maison. Bah, tu peux, Audrey. C'est... Bisous, bisous, ma chérie. À bientôt. Bisous. Et Grégory, qui était le prochain, je suis désolé, Greg. Ouais, c'est pas grave. Bah, c'est perdu, frérot. Enfin, c'est perdu sans même avoir joué. Ouais, le pauvre. Mais hey, Greg, on garde ton numéro et on t'inscrit d'office pour la session de lundi, ok? Oh, on va le faire rejouer, ouais. Ça va, c'est cool. Tu joues avec nous lundi, mon Greg. Et bah, bisous aussi à Eric. Désolé, Eric. Oh, ça va, on t'inquiète pas. Bon. Eric, t'es sûr que ça va aller, Eric? Bon, Eric, ne saute pas de la fenêtre, Eric. Ne fais pas ça, Eric. Ne fais pas ça. Bah, je suis pas à la fenêtre, je suis devant mon livre. Ok, merci, Eric. Allez, bisous Eric, ouais. Avec la team de premier degré là toute la soirée. Salut mon Eric. À plus, Eric. Ouais. Si t'aimes bien les mangas, je te conseille Berserk. Il est terrible, les dessins sont super. Ah ouais, ça parle de quoi? Ça parle au Moyen-Âge et tout, de guerre et les dessins. Bah écoute. Style Dark Fantasy. De bien. Guerre et de sang. En tout cas, Eric, tu me l'as super bien vendu en tout cas. Frérot. Bah je vais checker, ok? C'est gore, si t'aimes bien le gore, ça va. Ok, bah écoute, ça te donne envie. On connaît la personne. Hein. Ça fait rêver. Bisous mon Eric, à bientôt mon pote. A plus mec. Minuit 23. Bonne soirée à vous. Ouais, toi aussi Eric. Oh putain, il est tout triste Eric. Minuit 24 sur Fun Radio, merci de nous avoir choisi les amis. On va faire la nouvelle star de l'Open Space. Ça arrive là tout de suite. Dans quelques instants, vous le savez, on essaye de trouver celui ou celle qui sera peut-être notre futur remplaçant. C'est ça. Voilà, en septembre, si vous avez envie d'être à notre place les amis, si vous avez envie de venir faire de la radio avec nous, juste pour s'éclater, et bah, vous inscrivez, vous envoyez nouvelle star par SMS au 3044 et bah, après Issam qui est passé en premier qui a eu 5,5. C'est ça. Il y a eu ensuite Fred. Il y a eu Laurence d'abord qui a eu 4,1. Il n'y a pas eu de Fred, il y a eu Oli qui avait fait le meilleur score d'ailleurs, 6,4. Et puis là récemment on a eu Arnaud qui s'est complètement vautré, il était à 2 et quelque chose. Et ah, mais Arnaud il avait rien préparé, il s'est foutu de ma gueule. C'est ça. Voilà, on va voir si le candidat de ce soir a préparé sa chronique et quelle chronique a-t-il préparé. Et c'est vous chez vous à la maison qui allez lui donner une note sur 10. Vous pourrez commencer à donner vos notes et à les balancer par SMS juste après le son de Galantis. J'aime bien ça. Ouais, j'adore. C'est bon ça. No Money sur Fun. On a été la première radio dans toute la Belgique à vous jouer. Minuit 25 en direct, Libertad. I ain't giving you a dollar this time. I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you a dollar this time. I ain't gonna run away. Galantis. Le son c'est Pneumonie sur Fun Radio, il est minuit 27. C'est la dernière Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Et ouais putain, il reste plus que 12 émissions avant la fin de la saison. Ah, ça me brise le cœur. On va faire un décompte hein, plutôt parce que ouais, ça va nous miner. MOS moins 12 là, ouais, Mike Open Space moins 12. Bon mais on espère être là en septembre. On sait toujours pas d'ailleurs. Bah, on verra mais. Non mais on a promis aux auditeurs qu'on allait les tenir au courant. Donc dès qu'on a la réponse des patrons, hein, vous savez que bon, ça discute en haut. Oui. Bah on vous traîne au courant en tout cas. Il y a Chris Brown qui arrive pour la suite du son Dancefloor, on va se faire Run It. On the floor. Et j'essaye de gratter des infos du coup aux personnes qui sont proches de la direction ici à Fun Radio, au Susboul quoi. Non, je plaisante. Et genre Oli, le présentateur musical de la radio, qui est un cadre ici. Oui. Je vais voir, je lui fais frérot. T'as pas des infos tout ça. Il s'est foutu de ma gueule littéralement de A à Z hein. Ah mais même plus que ça là, c'est de A à Z au carré hein. Non mais parce qu'à un moment je lui fais ouais mais bon dis-moi juste si on s'entendra toujours bien la saison prochaine, comme on s'est toujours bien entendu. Et il dit bah je sais pas si on gardera contact, mais ouais pourquoi pas. Quel enculé, t'en veux genre. Voilà moi Solik, vous retrouvez demain à partir de 20h là pour Party Fun. Bon allez sur Fun Radio, avant de se faire Chris Brown, avant de se l'écouter plutôt, on va se faire la nouvelle star de l'Open Space. Oui. Nouvelle star de l'Open Space. Il va falloir y aller là Zezel au bout d'un moment. S'il te plaît, me mettre la personne à l'antenne. Je vais pas combler pendant 150 ans. Zezel qui est tout seul au standard le pauvre. C'est vrai que je lui mets une pression de bâtard Mais je crois que là il commence à devenir transparent en fait. Ouais non, je te jure. Non mais Zezel Coralie est pas là ce soir. Il est très mal non. T'es mal maintenant. Coralie est pas là. Attends, je vais expliquer le dos. En fait il y a pas d'écran ici. Tu vois c'est le bordel. Et je suis tout seul. Il y a Coco qui est pas là. Il y a mon aide stagiaire qui est pas là non plus. Il est tout rouge. Franchement je suis dans la rasera de dingue. Mais ça va aller Zezel. Je peux faire un défaut room. Ça va aller mais. Sache que si tu me foires un truc ce soir, c'est C4. Voilà, bonne soirée, Zezel. Non, mais je plaisante, évidemment, mon Zezel. Je te lâcherai jamais, t'es un touché, frérot, t'inquiète pas. Je sais. Bon, Ntep, il veut faire la nouvelle star de l'Open Space, ce con. Non. Bonsoir, mon Ntep. Bonsoir. Ah, comment ça va, frérot? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Ntep, pour tous les nouveaux, toutes les nouvelles auditrices, Ntep, c'est un ancien stagiaire. Oui. Qui était ici dans l'Open Space, dont on a dû se séparer à contre-coeur. Malheureusement. Car il draguait trop de meufs hors antenne. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les meufs qui passaient, on va pas se mentir. De 7 à 77 ans, ça y allait. Mais Non, pas de 7. À partir de 18. Oui. Ouais, non, Ntep, t'as appris l'histoire. Hein. Y a un co-animateur qui bossait ici et on sait. Enfin, bon, bref. On te racontera en antenne. Mon Ntep, qu'est-ce que tu deviens? Je pense qu'il connaît son rire m'a manqué, je crois. Mais tu comment ça va? Ben non, je suis à cran, je suis en examen, je suis fatigué, je commence à 8h demain donc j'ai chaud. Ah ouais, c'est ça, il y a une table qui nous fait l'amitié là, d'être resté réveillé pour participer à la nouvelle star de l'Open Space. Enfin, l'amitié, il veut quand même nous remplacer le connard. Oui, bah alors. Ah bah ouais, bah, il a raison. Parce qu'en plus, on l'avait laissé les commandes de l'antenne. À un moment donné, il avait été très bon, je me rappelle. Il a du gros. Donc, à mon avis, je sens une grosse note pour Zezel ce soir. On nous dit courage, Zezel. Bonjour, mon petit Mike. Big up, Kiss Rachel. Gros bisous, ma chérie Rachel. Rappelle-moi ce soir, il n'y a pas Coco. Mike, c'est Geoffrey qui a fait le meilleur score à la nouvelle star. Alors, c'est Jonathan. Ah c'est Geoffrey. Mais en fait, oui, Geoffrey avec 6,4. Mais en fait, c'est parce que j'ai mis Oli. Mais parce qu'en fait, Ntep, il s'appelle Oli. Oui, c'est vrai, Ntep, c'est vrai. Merci. Arrête, tu vas m'embrouiller tout le monde, Jonathan, s'il te plaît. Non, c'est Geoffrey, oui, excusez-moi. Autant pour moi. Ok, alors, donc il y a eu Geoffrey, il y a eu Sam, il y a eu. Laurence. Et il y a eu Arnaud récemment, là. Voilà, mardi. Ntep, feras-tu mieux que ces 4 prétendants au titre de nouvelle star de l'Open Space? Frérot, je t'explique le concept. T'as 2 minutes, je t'ai laissé carte blanche pour faire tout ce que tu veux, tout ce qui est possible et imaginable de faire à la radio. D'accord, 2 minutes, donc tu m'impressionnes, tu me fais du grand tape. À l'issue de ces 2 minutes, je te fais faire une intro, j'ai du mal à parler moi ce soir, sur le son de Chris Brown, ok? Le son de Chris Brown? Ouais, le son de Chris Brown. T'as déjà l'accent, man. Très bien. Le son de Chris Brown? Mais non, tu dois pas chanter, tu dois l'annoncer, tu sais, dire on est dans l'Open Space. Mais je t'expliquerai après. Ah d'accord, ok. Auparavant, Ntep, j'invite tous les auditeurs, toutes les auditrices à te noter sur 10 au 30-44. Vous donnez votre note pour Ntep. Est-ce que vous voulez qu'il soit à notre place la saison prochaine? Mon petit Ntep, tu nous as préparé quoi? Oui. Oula, c'est chaud. Mais vas-y, raconte. Ah, qu'est-ce que je vous ai préparé? Eh bien en fait, je vous ai concocté un plat typiquement africain. D'accord. Mais c'est pas dans la vanne, c'est pas dans la vanne. C'est pas dans la vanne? Ah non, c'est pas dans la vanne. Non. D'accord, et tu vas nous faire une chronique de quoi? Culinaire? Une chronique culinaire? Ouais, une chronique culinaire. Ah bah on va faire un plat africain à la maison. Ah, donc, pas mal. D'abord. Alors vas-y, ton chrono, t'as deux minutes, vos notes chez vous à la maison, 30-44, vas-y Ntep. Ntep Open Space. D'accord. Alors tout simplement, le plat s'appelle banane plantain avec du pondou et une bonne viande marinée à l'africaine. c'est très simple. Les bananes plantains, vous les trouvez partout. C'est des bananes qui sont plus grosses que les bananes qu'on voit genre Chiquita. Non, les mais bananes noires, quoi. Non, ta gueule. Ta gueule, les bananes sont grandes, jaunes, mais elles ont des taches noires dessus. Et plus les taches noires sont prononcées, plus la banane sera sucrée et sera savoureuse. Quand vous avez la banane, vous l'épluchez normalement, vous la coupez en petits morceaux. Soit vous la faites à la poêle, soit vous la mettez dans une friteuse, ou alors vous la mettez à l'eau. C'est au choix, mais moi je préfère à la poêle. C'est plus grillé, ça donne un petit côté un peu plus sucré, caramélisé. Par rapport au pondu, c'est des feuilles de manioc qu'on achète un peu partout. D'ailleurs, le Deleuze en vendait ou en vend encore. Oh merde, j'ai le droit de dire une marque à la télé ? Ouais, vas-y. Ah, désolé. Alors, le pondu, ce sont des feuilles de manioc. C'est très agréable. À la vue, ça a l'air dégueulasse, mais franchement, c'est bon, c'est bourré de fer. Vous mettez un peu d'épices, vous mettez des légumes comme des courgettes, des poivrons, et ça donne une saveur particulière à ce plat qui est kiffé par beaucoup d'Africains. Non, regarde, en poivron. Excuse-moi, frérot, ouais, depuis quand t'es devenu Jean-Michel Cohen, toi ? Non, mais attends, ça m'intéresse. Attends, poivron, poulet, attends. Non, le poivron. C'est ma bête de rosière, le gars. Mais vas-y, laisse-moi faire ma recette. Mais vas-y, frérot, il te reste 30 secondes, hein. Ouais, et puis le dernier, vous prenez du poulet, du blanc de poulet ou des ailes de poulet comme vous voulez, vous les épicez, vous mettez du kit de poulet, ouais. du poivre, du sel, parce que vous les blancs, vous avez du mal avec ça, mettez bien des épices dessus, non, vous avez du mal avec ça, des épices, c'est ce qu'on aime, vous faites un peu mariner, vous laissez même reposer ça au frigo pendant une heure, deux heures, vous faites après ça cuire, et après vous mettez la sauce tomate, vous remettez des oignons, du poivron, encore des épices, allez, pour les plus courageux, vous mettez une petite pincée de piment, dans la sauce, vous faites mariner quelques heures le temps que ça marine bien. Mais c'est bon, t'es en timing. Ouais, je m'en bats les couilles, je suis toujours en retard. Vas-y, conclue. Et voilà, vous avez le plat, vous mettez les bananes, le pondu et le poulet, et vous le avez pondu. Une assiette africaine. C'est tout, c'est ta conclusion ? Ouais, c'est la conclusion. D'accord. Et maintenant, pendant que vous dégustez ce plat, vous pouvez le faire en écoutant Chris Brown. Il a fait un 2 en 1. Ah, il nous a manqué quand même, Ntep. Ah, ouais, ça fait plaisir de l'avoir, Ntep. Bon, Ntep, ouais. Hey, frérot, quand même, tu me prends pour un con, quoi. Pourquoi ? Mais t'as rien préparé, t'as ouvert un bouquin de cuisine, t'as lu ce qu'il y avait à l'intérieur, quoi. Ouais, mais il est bon, l'impro, moi j'aime bien. À vous, c'est ça. Frère, laisse-moi tranquille, Bruno. Bon, là, je vais aller faire mes bails. En tout cas, Ntep, il aura retenu un truc de son stage, c'est qu'en radio, on travaille pas. Il t'aura retenu un truc. Bon, vous balancez vos notes pour Ntep au 30-44. Et je vois des 9, je vois des 10 qui arrivent, Ntep, pour toi. Je vais attendre de faire la moyenne là. Pendant qu'on fait la deuxième épreuve. Rien que pour ta banane, c'est 10 sur 10. Rien que pour ta banane, je te mets 10, mon Ntep. J'espère qu'on va me rappeler, car depuis deux semaines, on dit qu'on va me rappeler. Mais j'attends toujours aujourd'hui. Big up à vous et courage à Zezel. On dit c'est Déby qui dit ça. Oui, Déby, mais c'est Coralie qui doit te rappeler. Elle est malade ce soir, on l'embrasse d'ailleurs. 8 sur 10 pour Ntep. Pas mal. 7 sur 10, on nous dit au 30-44. On va faire la deuxième manche. La deuxième épreuve. Ntep. D'accord. C'est une intro musicale. Alors tu fais comme si t'étais. Tu sais ce que c'est de toute façon, j'ai pas besoin de t'expliquer. Tu fais si t'étais l'après-midi sur Fun Radio, la place de Fab. Ok, tu dis ouais, on est bien, tout ça, machin. Et on s'écoute Chris Brown, le son c'est Run It. Ok ? Ouais. Alors attends, l'intro, je vais te dire combien de temps elle fait. Elle fait pas. Elle fait à peu près 20 secondes, d'accord ? Et je vais faire un son avec ma bouche ? Il con quoi ? Mais non ! Mais t'annonces comme si t'étais animateur sur Fun Radio, frérot, c'est un concours d'animateur. Ouais, c'est bon. T'as cru que c'était la Belgique Got Talent ou quoi ? Belgium Got Talent. Ouais. Oui, mais moi, je peux parler anglais. Allez, fais vite. Ouais, on y va, Ntep. Il en bug. Allez. C'est bon ? Ouais. Ouais, vas-y, gros. Ah, j'ai repris les rênes. Et là, vous allez vous mettre bien avec mon petit ami Chris Brown, qui a fait un concert de malade qui sera bientôt au Zénith de Paris. Ce sera le feu. Ce sera tout simplement une dinguerie. Alors, s'il vous plaît. Venez nombreux, je serai là pour faire la première partie. Et ma chérie aussi sera là. Tu lui parles dessus, mais tu t'en bats les couilles. Ouais, c'est ça, on t'a pas envie de couper. Et pour les amoureux des classiques et les puristes, revoici un ascension de le premier son de Chris Brown, Run It. Vous êtes sur ce fond de radio. Bravo, Franciliable. Liberté. Mais vu combien de temps t'as parlé, il reste plus que 30 secondes de Chris Brown, frérot. Bon, bah les couilles, j'ai accroché mon téléphone. Allez, ciao. Bon, non, attends, Ntep, on doit te noter, frérot, maintenant. On doit te noter, okay. Eh oui. Zezel va te noter également. Celui qui t'a formé au standard, je me rappelle à l'époque. Ouais. Et les auditeurs vont te noter. Son plat est délicieux, mon voisin est camerounais. C'est délicieux, le manioc. 9 sur 10 pour Déby. C'est 9 Ouais, c'est 9. Ah, tu veux le contact? Ah, t'as toujours pas trouvé chaussure à ton pied, Ntep? Non, je m'en bats les couilles, frère. J'en fous matin, midi et soir. C'est pas possible. Bon, allez, on passe aux notes, s'il vous plaît. J'attends, tu fais les notes sur les SMS, s'il te plaît. Oui. Et Zezel, qu'est-ce que t'as pensé de la prestation d'Ntep? Ah, il s'en est super bien sorti. Hein. Par contre, franchement, allez, je peux lui mettre un 8. 8 sur 10. Très 8. Bien. Ok, merci pour ton long débriefing. Ouais, je sais. Jonathan. Bah alors, c'est du gros Ntep. Hein. Franchement, en fait, le mec, il m'intéresse dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Il pourrait dire n'importe quoi en impro total, ça m'intéresse. Donc, comme je le kiffe beaucoup, je vais lui mettre un 6. C'est un bâtard. Ah, attends, vu comme t'es vulgaire, t'es plus vulgaire que moi, je te mets directement un 7,5. Voilà. Ah, 7,5 sur 10. Ah, mon Ntep. Ah, bah Ntep, il m'a manqué. Il m'a beaucoup manqué, Ntep. Et ça fait plaisir de le retrouver. Il s'est un peu foutu de ma gueule parce que je lui ai demandé de préparer un truc et qu'il a ouvert un bouquin de cuisine. Mais bon, faut avouer qu'il a du talent, le petit Ntep. Et puis, comme je suis un peu coupable de l'avoir viré, Ah, c'est les circonstances qui ont fait que Ntep. Hein. TMTC, frérot. À skip. Voilà. Non, hein. L'intro de Chris Brown, c'était pas mal. C'était bien. C'était très lourd. Un peu long, mais un peu bien. Très long. Mais long. Ouais. Donc, Ntep, je t'aurais mis en 10. Mm-hmm. Mais, comme Jonathan a dit qu'il te kiffait, je te mets un 3,5. Mais non. Mais je plaisante. Mais lui au moins la note de pi, 3,14. Non, je note sérieusement. Je mets un 9 pour Ntep. Je mets un 9 sur 10 pour Ntep, c'est ma meilleure note et je le mets pour toi, frérot. Ah, bah ça va remonter les moyennes, ça. Et bah voilà. Attendez, vous savez quoi, mais écoutez, je retourne la radio ce soir. Moi aussi, je veux vous coter, les gars. Sous Zezel, Tandradlift, vite. Parce que je suis plus trop sûr en ce moment, frère. Mais de l'axe. Fou, mets de l'axe. Ça transpire, c'est ouf en toutes tes essais, là. Oh, je l'attends. je l'attends. Ouais. Je t'emmerde, mais je te kiffe en même temps. Moi aussi, frérot. Et là, je te fais des bisous. Mais là où je veux, hein. Pas là où, t'inquiète. Là où je pense, vous calmez. Et Mike, bah, t'es le meilleur, t'es le génie, t'es la pierre angulaire du truc, allez. Merci, bon Ntep. Ntep, on va faire la moyenne, mais il y a des putains de notes qui arrivent pour toi. Il y a 8,5 sur 10. Ouais, très là, c'est Karen qui te met 8,5. Je mets 10, il déchire. 10, mais je veux pas qu'il vous remplace. Bah, ça fait plaisir. Bah, et peut-être qu'il sera avec nous la saison prochaine, Ntep. Bah là, il y a du lourd. J'ai fait la moyenne à des auditeurs et de nos notes à nous. C'est 8,33. 8,3. Donc, on va dire 8,5. C'est la meilleure note. Ouais, allez, on a rendu à 8,5. Ah, 8,5, allez. C'est la meilleure note, Ntep, pour l'instant. Bravo, Ntep. Ah bah merci. 8,5. Je suis sûr que t'as jamais eu une note comme ça en cours, frérot. Si, mais sur 20. Ouais, ça va. Bon, Ntep, tu repasses nous voir avant la fin de la saison, là. Il reste 12 émissions avant la fin. Ouais. On le verra jamais. Ok. Bon, frérot, est-ce que tu... Non, mais tu m'avais promis un truc, Mike. Mais je le dis pas à l'antenne. Je t'avais promis quoi, Ntep? Ah, je balance. Bah, balance parce que je m'en souviens pas et comme t'as commencé à le dire, on frustre pas les gens. Ok, bah, c'est un barbecue. Ah, je t'avais promis un barbecue? Bah oui. Bah, je vais t'en acheter un, frérot, y'a pas de soucis. Ah oui, c'est vrai parce qu'on avait fait une raclette avec Ntep et j'avais pas ramené de saucisses et tout, j'avais pas ramené ramener des sangliers et des carcasses de porc pour Ntep. C'est vrai. Il l'a très mal pris donc du coup, je l'ai promis un barbecue, mais frérot, t'inquiète, on va se gérer ça, ok? T'avais à peine cuit les pommes de terre, pour être honnête. Bon, bravo Ntep et peut-être que tu gagneras la nouvelle star de l'Open Space et si tu fais rien en septembre, on s'appelle, ok, frérot? Ça va. Salut mon Ntep. Yes, les gars, bisous. À plus, mais tu déchires. Et on s'appelle évidemment en septembre pour se faire incinérer. On va pas faire de la radio ensemble en septembre. Ouais. Enfin, on sait jamais. Ah, Inch'Allah. Nouvelle star de l'Open Space qui reviendra lundi dans l'émission. Oui. Vous voulez être la nouvelle star de l'Open Space, vous envoyez nouvelle star au 3044. Et ça fait beaucoup de fois que je dis nouvelle star. Nouvelle star. En plus, c'est fini, donc on peut le dire. On a les droits maintenant sur le dos. Hein. Allez, dans quelques instants, sur Fun Radio, on va faire des full rooms là. Si quelqu'un vous a fait chier aujourd'hui, vous nous appelez maintenant au 02851 4x0. Et on vous laisse 30 secondes, carte blanche. Vous pouvez insulter la personne devant toute la Belgique, l'afficher. Ça sert à se soulager, à se défouler. C'est gratos. C'est dans l'open space. Il y a Maître Kevin, l'autofoot également, spécial Euro 2016. Get shorty, tell her what the young boy gon' do. Damn them chicks with you, gotta be a kid. They pretty thick with a kick that's sick, that need to be hit. So tell me what y'all gon' do. I got friends and you got friends. Right. They hop out and you hop in. Right. I look fly and they jock in. Right. The way you drop down makes me wild. Wow. I got friends and you got friends. Hey. They hop out and you hop in. Right. I look fly and they jock in. Right. The way you drop down makes me wild. Is a man on the floor?

Fun Radio jusqu'à 2h du matin, l'open space dans vos oreilles. Yes, I. Are you ready? Une galère? Appelez l'open space. Go! 02 851 4x0. Mais soyez bon. Midi 48. C'est elle qui vient de se ramasser la gueule en courant dans le studio. Putain, non, mais sans déconner quoi. Ah, tu kiffes, hein. Ah, tu kiffes, hein. Non, mais en fait, il vient de ramasser mes violents. Mais il faut. Putain, pourquoi on n'a pas pris la vidéo? L'année prochaine, il y aura des vidéos normalement de l'émission. Ouais, ouais, putain, on espère. Pourquoi le système vidéo est pas encore actif? Mais il faut surtout expliquer pourquoi il s'est cassé la gueule. Parce que t'as eu un stress, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. T'as crié Zezel, le mec était au 5ème, il est descendu en un coup. Voilà, on est au 2ème quoi. Ouais, j'ai parce que... Il m'a pas mis la prochaine personne dans le standard, donc c'est vrai que j'ai crié pendant le jingle. Merci d'écouter l'open space, les amis. Vous voyez, ça part en couille cette émission. Oui. Total délire, 100% liberté là, jusqu'à 2h du matin. Vous nous rejoignez un seul numéro. Pour nous appeler, et c'est le 02 851 4x0. Les SMS, ça se balance au 30 44. Dans quelques instants, il y a le son de Mokobé qui arrive là. C'est le nouveau, j'ai trop dansé. Putain, mais on dirait MHD. C'est vrai, et c'est un peu le style Afrotrap. Mais c'est aussi, bah, attends, non, MHD, il y a voilà. Peut-être les mêmes producteurs. Mokobé était là avant. Eh, c'est bon ça. Ouais, c'est pas mal. Le nouveau Mokobé là. Il faudrait qu'on essaye de l'appeler aussi. Mokobé la fin, là, ouais, j'ai son numéro. Mais t'as le numéro tout le monde en fait. Bah non, j'ai le numéro de Mokobé et de Hanouna. Hanouna, Geneviève de Fontenay. Ah ouais, Geneviève de Fontenay aussi. Et ouais, j'ai des contacts. Maintenant t'as Jean-Pierre Castaldi aussi. Ah ouais, Miss Italia, Miss Italia Belgio. Oui, mais celle-ci c'est pour d'autres. Voilà. je ne dirai rien dans cette émission. Minuit 50, Mokobé arrive. Et on est connecté également sur les réseaux sociaux de l'émission, oui. Jonathan. Alors sur le Facebook, venez mettre un petit like et venez nous parler si vous avez des trucs à dire, vous voulez faire un jeu. C'est sur la page Mike Open Space. Ou sinon, il y a le Twitter Mike Fun Radio où vous pouvez interagir avec l'hashtag Mike Open Space. Il va vous follow back directement après l'émission si c'est pas encore fait. Ou bien aussi, venez vivre ensemble les coulisses de l'émission sur le Snapchat Mike Open Space. Il met des photos et des vidéos toutes les deux minutes. Là, je sais pas ce qui se passe. Mais t'as l'air en forme. On a dit, on dirait que t'as fait ça toute ta vie, Jonathan. On big up, c'est de se connecter sur le Facebook de l'émission. Là, il y a Claire connectée. Big up à toi, ma Claire. Corentin. David qui est connecté aussi. Florian, Fabrizio, Luca connecté sur la page Facebook. Magali, Malik. Bref, beaucoup de monde là sur le Facebook Make Open Space. Et on vous attend, la famille. Rejoignez le mouvement Open Space. Il y a Oudi qui est avec nous. Bonsoir, frérot. Salut, François. Bien quoi? Ouais, tranquille et toi, Oudi? Mec. Bien. Quoi, la pêche? Bah ouais, ça fait plaisir de t'avoir, Oudi, c'est la première fois que tu nous appelles? Ouais, dépistage radiophonique même. Ah oh bah c'est cool, bah bienvenue. Bon, d'habitude je suis content de faire un dépistage radiophonique, mais la moyen quand même, Oudi. Bon, frérot, Zezel m'a dit que t'étais très vénère. Franchement, grave. Vas-y, raconte. Je viens de faire la route, j'ai fini le taf, je fais la route, je rentre chez moi à BX, tranquille. Et donc du coup il fait nuit et je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui les gens, mais ils m'ont tous cassé les couilles, genre en farcie, mais tous les grands phares, ils m'ont crevé les yeux. Genre là je suis même plus distingué. Ah, c'est les vrai couleurs. Que c'est insupportable. Ah putain, ça m'a cassé, ça m'a gavé là, franchement je suis grave vénère. Ah ouais, mais les grands phares c'est insupportable. La dernière fois j'étais avec un ami à moi qui conduisait, il voyait rien. Vous le connaissez, Gilbert Montagnier. Vous voyez que dalle, les gars, il y a les grands phares partout et tout. Non, les grands phares, c'est horrible. Ouais, il y a rien de pire en fait. C'est énervant. Bah, aujourd'hui, ils se sont fait passer le mot et je sais pas, tout le monde est parti comme ça en grand phare. De la route Lille-Bruxelles, j'ai fait que ça quoi. Ouais, enfin, et encore sur la partie française en plus, t'as pas de lumière sur l'autoroute donc c'est encore plus pénible. Ouais, c'est ça, ça se voit direct. Ici en Belgique, ça va, t'as encore la lumière et tout sur les autoroutes, tranquille. Et donc, c'est uniquement contre ceux qui mettent les grands phares? Ouais, là j'ai la haine grave. Ou t'as d'autres comportements comme ça en voiture qui t'énervent? Non, c'est principalement ça, parce que sur la route j'ai eu vraiment que ça, aujourd'hui ça m'a grave gavé. Après les autres comportements, bon bah ça va quoi, la nuit il y en a pas tellement. Y a pas ouais, c'est vrai que la nuit mais... ça roule bien. Mais moi ce qui me vénère en journée quand je sors à BX, c'est les gens. C'est déjà, c'est les fils. Oui, alors que c'est les fils, c'est en heure de pointe et les gens sans pression qui se mettent en double fil alors que t'as une deux voies. Ouais, il y a ça. Il y a aussi des mecs qui se mettent genre sur la bande de droite pour tourner à droite alors qu'en fait ils vont tout droit. Et ça fait chier tout le monde parce que t'as des gens derrière qui doivent vraiment tourner à droite quand le feu passe vert, ouais. Mais qui font chier tout le monde parce qu'ils doivent se rabattre à la dernière minute. Et bien ça, c'est impossible. Comme les gens qui passent au supermarché à la caisse moins de 10 articles avec plus, je propose de tuer aussi ces gens-là. On va les massacrer tous. Non, mais on va les attacher. Il faut faire un génocide. Je suis d'accord avec toi, Woody. Évidemment, c'est une vanne. Attention, oui, parce qu'il y a des gens qui vont prendre premier degré. Mike veut faire un génocide contre les gens qui passent plus de 10 articles. Ah non, arrête. Bon, Woody, tu veux faire un défoul room? Je suis chaud. Eh bah vas-y frérot, je te laisse 30 secondes pour insulter ces automobilistes. Y a pas de limite, hein. Non, il n'y a pas de limite, nos limites, tu peux te défouler frérot. Ok, c'est parti, donne-moi le top. Vas-y, 3, 2, mais pas de trucs racistes, c'est tout, ok? Non, 3, ok, 2, bah, 1, vas-y. Ok, bah bordel, à cul de putain de merde, vous me cassez les couilles. Comme dirait mon collègue canadien, là, j'ai pas le temps de niaiser, alors ouvrez bien vos oreilles parce que vous me cassez les couilles. Franchement, je vous souhaite qu'une chose à tous les gens qui ont roulé aujourd'hui en sens inverse avec des remparts, là, c'est que votre descendance, ce soit des filles infertiles, qui va tellement sucer de bite dans le chicha de merde, qui va choper l'herpès, c'est pas à moi. Elle va vous la refiler chaque matin, ça va tellement vous irriter votre corps, vous allez attraper des hémorroïdes à la sortie par les narines. Et franchement, vous ne pourrez plus jamais monter dans vos Clio 2 de couilles à me péter les yeux avec vos phares de merde, bande de chiens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Okay, okay. Je crois qu'on tient l'un des meilleurs des full rooms de l'année. Je crois qu'on tient le meilleur des full rooms de l'année. Bravo, Woody. Eh, gros tug, gros tug, Woody. Ah, tu déchires, merci, mec. Merci, merci à vous. Big up à l'équipe et continuez de manger sur la route, là, c'est kiffant. Ah, ça fait plaisir, Woody. Merci, mon pote. Tu nous écoutes tous les soirs. Juste une petite carte dédiée, vite fait, aux deux sœurs Saïri qui sont en train de m'écouter. Et big up encore à l'équipe. Eh bah, big up à toi, big Woody. Big up à toi, mec. Tu nous écoutes tous les soirs, Woody. Salut. Tous les soirs, les gars. Eh bah tu déchires, Woody, merci à toi frérot, fais passer le mot, hein, je compte sur toi, ok. Salut Woody, à bientôt, quitte pas, je te repasse Zezel au standard. On va dire un pack fun, Woody, raccroche pas mon pote. On nous dit Mike, c'est bon, j'ai compris, j'ai remis les feux de croisement, mort de rire. C'est Taxi Aziz qui dit ça au 30 44 02 851 4x0. Vous voulez faire comme Woody, vous voulez vous défouler sur quelqu'un qui vous a fait chier aujourd'hui, bah c'est possible. On refera un autre défoule room tout à l'heure avant 2h du matin. Le Lotto Foot spécial Euro 2016. Je l'attends, je le tease depuis tout à l'heure, mais arrive. Ouais. Il va arriver incessamment sous peu. Il y a plein de gens qui s'inscrivent là pour faire le Lotto Foot avec nous, les amis. Si vous voulez parier sur votre équipe de foot préférée, donc forcément, j'imagine sur les Diables, mais pourquoi pas sur le Squadra, pourquoi pas sur la France, vous inscrivez au 30 44, vous nous passez un petit coup de fil. Et là on s'écoute le son de Mokoboy. On va rappeler Cyril Hanouna aussi. Oh putain, il est tard. C'est pas sûr qu'il décroche. On va le rappeler quand même avec Maître Kevin. On avait essayé de l'appeler à 23h tout à l'heure, ça va décrocher et après plus. J'ai trop dansé, hey. J'ai trop dansé, hey. J'ai trop dansé, hey. Je suis fatigué. J'ai mal au dos, ah bon. J'ai mal au dos, ah bon. J'ai mal au dos, ah bon. J'ai mal au dos, ah bon. J'ai trop dansé, hey. J'ai trop dansé, hey. J'ai trop dansé, hey. Je suis fatigué. J'ai mal au dos, ah bon. J'ai mal au dos, ah bon. J'ai mal au dos, ah bon. J'ai mal au dos. Allô docteur, j'ai mal au dos. J'ai trop dansé de minuit jusqu'à l'aube. J'ai dépensé tous mes lots. Plus d'essence dans la groupe. Y'a la police qui rôde. J'suis dans le futur, j'ai mon pot. Le DJ nous a plié. Toute la soirée. Sur la pluie, j'ai cotonné. Je suis fatigué. Sapé comme jamais. Mon parfum dure 24 heures. J'mange un comme jamais. Casal sur le nez, j'suis prêt à snapper. J'ai trop dansé. J'ai trop dansé. DJ, vas-y mollo. J'ai trop dansé. Tu vois pas que j'ai chaud. Ou c'est à cause de la go. Son déenchaînant c'est trop. Elle a tout ce qu'il faut pour mettre tout bon KO. Le DJ nous a plié. Toute la soirée. Sur la pluie j'ai trop donné. Je suis fatigué. Là je deviens relou. Je danse comme Drake. L'ambiance devient chelou. Faut que je m'arrête sec. J'ai trop dansé, hey. J'ai trop dansé, hey. J'ai trop dansé, hey. Je suis fatigué. J'ai mal au dos, ah bon. J'ai mal au dos, ah bon. J'ai mal au dos, ah bon. J'ai mal au dos. J'ai trop dansé, hey. J'ai trop dansé, hey. J'ai trop dansé, hey. Je suis fatigué. J'ai mal au dos, ah bon. J'ai mal au dos, ah bon. J'ai mal au dos, ah bon. Bloqué. J'ai dit bloqué. J'ai dit bloqué. J'ai dit bloqué. Débloqué. Là je deviens relou. Là je deviens relou. Là je deviens relou. Je danse comme Drake. Le nouveau Mokobé sur Fun Radio. Minuit 57 en live. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Vous tous et vous toutes en direct au 02851 4x0. Faites-moi exploser le standard, les amis. Il y a Jonathan dans la place. Je suis là. Il y a Zezel également qui décroche. Je suis là aussi. Et qui check tous les SMS qui vous rappellent si vous voulez jouer avec nous à des jeux là. Vous envoyez un petit message à Mike plus votre SMS. Vous balancez ça où, Zezel? Au 6322. Ah, c'est parfait. Il y a Mac Posner qui arrive. Hey, tout que Pilini Ibiza. Bientôt l'été. Ça y est, aujourd'hui, on a eu des températures estivales sur BX. Hein, oui, et partout en Belgique. Mais et là, c'est 28 degrés tout à l'heure. Hein. Ouais, tout à l'heure, mais là, j'ai l'impression qu'il fait un peu froid dehors. Il fait un peu frisqué. On sait pas comment s'habiller. On sait pas. C'est pour ça, aujourd'hui. C'est porte Nawak. J'ai mis une chemise, j'ai retroussé les manches parce que je me suis dit, si j'ai froid, je la détrousse, tu vois. Exactement. Karl Lagerfeld, c'est quoi la mode là, de saison prochaine, man? On refait. Écoutez, je ne sais pas c'est quoi la mode exactement. Je ne comprends pas c'est quoi la mode. De toute façon, vous, les Belges, vous ne savez pas vous habiller. Vous ah ouais habillez un peu comme les sacs à patates. Ah ouais, cash, vous êtes comme ça, vous, Karl. Bon. Je ne suis pas là pour. Non, je m'en fous complètement. Bon, bah, casse-toi, Karl Lagerfeld. Va sucer Baptiste Jabiconi, là. Voilà. Très bonne bête, Baptiste Jabiconi. Ça, c'est gratuit, ça. Ah, Jonathan qui est volontaire. Mais n'importe quoi. Bah, écoute. Bonsoir, maître Kevin. Bonsoir les amis. Ça va bien. Ouais, bah depuis tout à l'heure, maître Kevin, on a eu tout à l'heure en début d'émission. Grand moment. Maître Kevin qui imite Arthur et qui essaye d'appeler Hanouna, puisqu'il nous a dit hier, si vous étiez là, qu'il avait piégé Cyril Hanouna, son patron. Oui. Qui bosse aussi pour TPMP. Oui. La semaine. Et qu'il avait piégé en imitant Nikos. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on le rappelle, Cyril? Bah on peut essayer, mais là, à cette heure-ci, ça m'étonne qu'il. Bon, on peut appeler aussi sur le téléphone de sa meuf, hein, parce que vous m'avez donné par erreur le téléphone de sa meuf. Mais imagine le gosse. Je me demande si ce serait pas. On fait tous des erreurs dans notre carrière, je me demande si ce serait pas la vôtre de m'avoir donné le numéro de téléphone de sa meuf. Bah écoute, moi je suis pas le seul à l'avoir, hein, donc après je n'irai en bloc. On connaît les bails. Bon, tu gardes toujours Arthur ou tu changes? Bon, je vais faire Jean-Marie, tiens. Ouais, c'est Jean-Marie Bigard. Je préfère. Tu lui racontes une vanne de cul alors, ok? Vas-y. Allez, j'espère. Il laisse ouvert son téléphone tout le temps, en fait. Ah ouais, mais le gars, il vit avec son portable. Hein. Ah ouais. Mais là, vu que c'est numéro masqué... Ah, on s'est pas enlevé le numéro masqué, c'est chiant, ça. Ouais. Ah, putain, je sens mal. Ah, ça sent mauvais. Hein. Ah là là là là là là là là là. Je suis sûr que le mec, il est tellement dans la vanne qu'à chaque fois il voit un numéro masqué, il dit chérie, on va au bal numéro masqué. Non mais attendez, il y a un truc très drôle, c'est qu'on va être obligé de laisser un message sur le numéro d'Hanouna et de continuer l'émission normalement parce que j'arrive pas à accrocher le téléphone. Ah non. Je vous jure que c'est vrai. Bon, vas-y Jean-Marie. Je suis pas là. Ah c'est bon, c'est bon, j'ai réussi à raccrocher. Oh merde. Bon, on réessaye quand même vite fait parce que ça me frustre un peu ces conneries. Le standard est en train de bugger. Ah non, il manquait plus que ça, putain. Le standard est en train de mourir. Not tonight. Ah bah tu l'as dit tout à l'heure, faites péter le standard. Donc les mecs. Bah là, déjà l'écran il bug. Ouais, mais déjà ça bug de l'écran. L'écran il est en Tetris en fait. Attention. Et c'est vrai qu'il y a plein de cases sur l'écran. C'est trop zarbi. Allez, réponds, Baba. C'est pas possible. Maître Kevin qui est au BDR. N'empêche. Tous les jours, le mec il joue son poste hein, quand même. Ah bah il touche pas mon poste. Hein. Ah merde. Bon. C'est mort. Ouais, ça sent le. Et bah tant pis. J'arrive pas à raccrocher, les gars. Mais non, hein, non. Message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Kevin Sakila, tu veux dire un truc? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est quand même un enculé, 3000. Hein. C'est bon, j'ai réussi à raccrocher. Parfait. 1h du matin sur Fun Radio, 1h passée de 2 minutes même pour être très précis. On va faire ensemble tape à l'info mec. Alors c'est Caïs. Non, allô, qui peut pas trop Mike. Mike. Ah, le qui peut pas trop Mike, pardon. Caïs est là? Oui, je suis là. Ah, salut. Bonsoir Caïs. Le mec, ça m'a 24 ans. Ouais. J'ai un pote qui s'appelle comme ça et c'est son anniversaire. Bon anniversaire, mon vieux. Eh ben, bon anniversaire à lui. Mais non, c'est pas le tien, Caïs. Ouais, alors, Caïs, comment ça va depuis ton nouvel album Or Noir? Un grand rapport avec nous. Pas... J'ai pas le R. Ah ouais, c'est ça. 24 ans, tu m'appelles de Bruxelles et tu veux faire le qui peut battre. Tu penses pouvoir me battre? J'ai quand même. Je pense pas, mais je vais essayer ça. J'ai quand, c'est quand même le meilleur. Hein. Bah frérot, je me mets pas trop la pression non plus, mais j'ai 7 victoires à mon actif, mais en même temps j'en ai 5 contre Jonathan. Donc tu vois, ça passe. Oui, ça va. C'est... Donc je pense que t'as toutes tes chances. Et si tu gagnes, Caïs, il y a du cadeau Fun Radio et il y a une montre connectée qui arrive pour toi, d'accord ? On va essayer. D'accord. Alors, rappelle le principe, Jonathan. Le principe, c'est. Avant d'écouter Mathieu Canabi, pardon. J'ai sélectionné 5 questions. Parmi ces 5 questions, il y a 3 QCM, des questions à choix multiples. 2 où il faudra répondre de votre plein gré. D'accord. Chaque question. Ah, il y a une petite refonte du grand match. Ah, hein, du qui peut battre Mike. Il y a une refonte complète. Les questions à choix multiples, si vous donnez la bonne réponse, vous avez 1 point. Les questions one shot, vous avez 2 points directement. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 7 points à l'adversaire. Et celui qui gagne repart avec une montre connectée. Sauf si c'est toi, Mike, tu conserves ton invincibilité depuis 8 fois. Ok, très bien. On y va. Tirons au sort, Jonathan. Qui va commencer ? Alors, Zezel, main droite ou main gauche ? Main gauche. Main gauche. Eh ben, c'est toi, Mike. Très bien. Mike, tu vas commencer. Attention, première. Je pensais qu'il y avait un dos, on pouvait choisir une question. On est en galère de papier. D'accord. On fait gaffe à l'Amazonie, oh, en putain. Fait. Quoi, vous voyez, dans cette radio, chaque séquence se joue vraiment à un détail. Voilà. C'est un détail. Hein, c'est. Qu'est-ce qui est écrit sur le panneau à l'entrée de Las Vegas ? En galère de papier, putain. Déconner. Bon, on tout fait. Welcome to the Vegas. Donc, c'est Welcome to the Fabulous Vegas, Gorgus ou Anus ? Welcome to the Fabulous Vegas. Tu veux tes points maintenant ou après ? Maintenant. Ça te fait déjà un point pour toi. On a le droit à un joker, hein, je rappelle. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. La nature du mot onomatopée est féminin, masculin ou amandalire ? un onomatopée ? Masculin ? C'est une mauvaise réponse, c'était une onomatopée. Une. Ah merde. Eh oui. Qu'est-ce qu'est la palinka ? Une danse polonaise, un alcool hongrois ou un meuble Ikea ? La quoi ? La palinka. La palinka. Nikona palinka. Grand attaquant de l'équipe de France. Voilà. Tu peux me refaire les propositions ? Donc danse polonaise, alcool hongrois ou meuble Ikea ? Moi je sais. Mike, réponse. Je peux rien dire. Mike, réponse. Ah mais attends, mais si t'as droit à ton joker. Non, je l'utilise pas. Alcool hongrois. C'est une bonne réponse. Je suis focus, j'ai l'impression qu'il y a de la triche, mais je l'ai pas vu. Non, il y a pas de triche. Pas vu, pas pris. Attention, là, c'est les questions one shot, tu peux marquer 2 points si tu donnes la bonne réponse, d'accord ? Ouais. Que signifie le E de E égale MC2 ? E égale MC2 ? Oui. Putain. Ah, putain, je le savais. Rappelle-toi de la formule, hein. Mais, putain, je l'ai, mais... Prends joker. Bon, maître Kevin. C'était l'eau. Ah, oh, oui. Putain. Oh. Mais bien sûr que non ! Mais non. C'est l'énergie. Mais oui. Énergie de la masse corporelle célérite d'interne d'une particule au carré. Ok. Oh là là. Moi, j'ai mes petites faiblesses aussi. Hein. Bon, j'espère que celle-là, tu vas avoir juste. Toujours une question one-shot, ça peut te remporter 2 points. Là. Et tu peux faire donc 4 points. J'ai la pression. C'est juste parce que j'avais pas envie de dire énergie sur Fun Radio. T'es vraiment une salope, hein, Kevin. Putain, je te fais confiance et tout. Bon, Mike, concentre-toi. Dans une course à vélo, j'arrive à dépasser le second. À quelle position je finis la course ? Deuxième. C'est une bonne réponse. Second. C'était une petite. C'était un petit piège. C'était hein, un petit piège. J'aimais bien. Voilà. Une petite énigme comme ça. Et t'as cru que j'allais tomber dedans comme un con. Bah écoute, je sais pas. J'ai regardé Fort Boyard la semaine passée. Un replay l'année passée. J'avais ça comme énigme. J'ai pris. Je me suis dit pourquoi pas. Alors ça fait 4 points pour moi. Ça fait 4 points pour toi. On va voir si tu fais mieux ou pas, Caïs. Tout est jouable. Hein, tout est jouable. Alors. Montre connectée pour toi, Caïs. Attention. Caïs, qui était Gustave Courbet ? Un peintre et sculpteur du 19e siècle, fils de Régis Courbet. Un dompteur de tigres du cirque Bouglione du 18e siècle, frère de Bernard Courbet, ou un créateur de châssis et fenêtres du 20e siècle, père de Julien Courbet. On l'avait tous capté. Le premier. Donc tu dis un peintre et sculpteur du 19e siècle ? Ouais, peut-être. Eh ben c'est une bonne réponse. Ah putain. Un peu l'aveugle. Au hasard, merde ! Quelle ville ne se situe pas en France ? Aix-la-Chapelle, Dorlisheim ou Barcelonnette ? Non mais c'est facile. C'est quoi la deuxième ? Dorlisheim. Bah la deuxième je pense. Hein. La deuxième, Aix-la-Chapelle. Non, c'est... il a dit Dorlisheim. Oui bien sûr, mais Aix-la-Chapelle était la bonne réponse. Aix-la-Chapelle se situe en Allemagne. Donc c'est une mauvaise réponse. Dorlisheim c'est à côté de Strasbourg. Tu marques pas de points. Bon. Ça j'aime la nuance. Tu vois ? C'est pour ça que je t'aime bien, toi. Ouais, tu vois, parce que là, on aurait été dans le cliché. Ah oui, tu vois, dire que la 2, et finalement, non, c'est la 1, voilà. C'est Aix-la-Chapelle. Permettez-moi de vous dire que c'est quand même assez cocasse. Bon, troisième question. C'est chier ce qu'il a fait. Troisième question pour toi, Caïs. Quand Gutenberg a-t-il inventé l'imprimerie ? Vers je crois qu'on dit Gutenberg. Oui, bah c'est Gutenberg, pour moi j'aime bien. Gutenberg, bref. En, vers 1400 en Autriche. Je raconte celui-là. Vers 1400 en Autriche, vers 1450 en Allemagne, ou vers François en Hollande. Ne l'encouragez pas. Je pense que c'était en Autriche. Et c'était non, c'était en Allemagne en 1454, exactement. Yes. Ah non, s'il dit juste aux deux prochaines réponses, il a 5 sur 4. Ouais. 5 sur 7. Ouais, bon. Attention. Attention, là tu dois répondre one shot, il n'y a plus de proposition. Et t'as toujours ton joker, Kai. J'ai un joker aussi. Je suis bon joueur. Non, mais c'est celui que tu veux. Sauf moi, évidemment, je suis ton adversaire. Alors, de quel pays est originaire le mambo? C'est une danse. Mambo, mambo, ouais. Enfin, une danse, ça se danse quoi. Parce que chez nous, c'est du chocolat au Cameroun, du mambo. C'est pas une vanne en plus, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est chez kinder, moi. Chez moi, c'est des sextoys. C'est des Kinder mambo au Cameroun? Non, c'est pas. Non, ta gueule, non, réagis pas. Je vire la personne qui réagit. Laisse-le dans sa merde. Donc, à toi, Kaïs, de quel pays est originaire le mambo? Tu peux utiliser un joker. Le mambo, hein, mambo. Brésil. C'est ta dernière réponse? Ouais. C'est mon dernier mot. Eh ben, t'étais loin. C'était à Cuba, en fait. Ah. Dans les Caraïbes. Ah, merde. Bon, allez, on va la faire pour le fun. Ouais, ah ouais. Franchement, j'ai vu Fidel Castro récemment. Il fait des super mambo. Hein. Mambo number 5. Allez, enchaîne. Allez, dernière question. Quel est le lien de parenté entre toi et le fils du père de ta femme? Le fils du père de ta femme. De ma femme. Ah, c'est mon beau-frère. C'est une bonne réponse. Ça fait 2 points de plus ça pour ça toi. Ça fait 3 points. Ouais. Ça fait 3 points et c'est donc perdu pour toi. Et je gagne, je conserve mon invincibilité. Bravo. 8 victoires d'affilée. C'est le meilleur, je l'avais dit. Ah, merci beaucoup, Kaïs. Et... Rien que pour ça, je t'envoie du cadeau Fun Radio quand même. Je t'envoie un pack Fun, ok, Kaïs? Ah, ok, merci, c'est cool. Bon, ça s'est joué à très peu, tu vois. À 1 point, ouais. Et que ça fait 2 fois que je passe limite. Ah ouais. On verra si vous pouvez me battre lundi prochain dans l'Open Space prochain qui peut battre Mike. Merci, mon Kaïs. Merci à toi. Moi, tu reviens quand tu veux dans l'émission. Bonne soirée à toi aussi, Kaïs. Ouais. Ciao, ciao. 1h10 du matin sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisi, les amis. Dans quelques instants, on fait quoi, Jonathan? On va tourner la roue des jeux. Tiens, il y a un nouveau jeu qui est en préparation aussi. Ça s'appelle la Lose Academy. On fera ça un peu plus tard. Il y a l'autofoot et le jeu de métro Kevin. On va tourner la roue des jeux. On va tourner la roue des jeux là très très vite. Très vite. On va faire tourner que ça, tu vas commencer à me faire chier. 1h10 du matin sur Fun Radio avant de faire tourner la roue des jeux, c'est Mathieu Canabi qu'on écoute. Vous nous appelez, vous tous et vous toutes, faites-moi exploser le standard 02-851 4x0. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas très bien ce qu'il fait avec son nom, hein. Moi je dis ça, pas très légal. BDR. Pourtant j'hésite, lorsque je plonge dans ses yeux noirs, c'est toujours la même histoire. you ready? Une galère? Appelez l'Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bon. Et on est là sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisis, les amis. Passez une bonne nuit à l'écoute de l'Open Space. On fout le bordel jusqu'à 2h du matin. Avec Jonathan, avec Zezel, qui est là au 3044. Oui. Et au standard au 02 851 4x0. Faites-moi confiance, il a quand même une meilleure voix au standard. Maître Kevin aussi. Oh le pauvre. Oui. Bah oui, mais Zezel, ils te reprendront là. Ah, carrément. Plein la gueule pour pas un rond ce soir. Ah putain, mais ce soir, franchement, je suis la victime, quoi, tu vois. C'est la sodomie-collective. Oui, je te souhaiterais toute la vie. Tu te calmes. On se calme quand même. C'est au gangbang. Ouais, ah ouais, ouais. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Où est-ce qu'on lui fout la punition, maître Kevin? Julien transperce. Sur mon visage. Ah oui, la punition, on lui fout dans le cul. En mode analfoc. Ah oui. Ah oui. Ah, il n'y a plus de place dans son cul. Tout le monde dans son cul, c'est parti à la queue. Le 1h14 sur Fun Radio, cette émission part en couille totalement. Il y a des oraux qui arrivent, c'est Bailard pour la suite du son. Et on accueille qui est là dans le standard, mon Zezel? Tu m'as pas donné la feuille. Vraiment Philippe, à ramasse ce soir. Si, c'est Philippe. Philippe. D'accord, pourquoi tu prends ce ton là pour le dire? C'est Philippe, hein. Philippe qui va jouer avec nous. Philippe. Bonsoir Philippe. Maître Kevin, on vous entend mal s'il vous plaît. Je sais pas ce que vous avez fait, ça n'est pas d'ici en tout cas. Bonsoir Philippe. Bonsoir Mike. Salut. Ça va bien? Bon, ça va. Ouais, tranquille, tu fais quoi ta soirée Philippe? Eh ben, je vous écoute tranquillement. L'émission te plaît? J'adore. Ah bah ça fait plaisir, tu nous écoutes depuis longtemps Philippe? Depuis quelques semaines. Ah bah ça déchire en tout cas. Bah je compte sur toi pour faire passer le mot à tout le monde autour de toi, ok? Ne t'inquiète pas. Bon, Philippe, on va faire tourner la roue des jeux pour t'offrir du cadeau Fun Radio. On va voir à quelle sauce tu vas être mangé ce soir. Tu as envoyé un SMS au 6322. Zezel t'a rappelé. Attention, dis stop quand tu veux, Phil. Stop. Attention, ça s'arrête. Et Jonathan, toujours le même souci qu'hier. Je ne vois pas ce qui a marqué sur l'écran. Dis-moi. Ah, c'est le blind test pour un précoce. Voilà. Comme quoi, tu vois, on se comprend vraiment. Il y a quand exactement. Même une, y a une complicité. Enfin, non, c'est pas le mot. Il y a une symbiose. Ça, c'est tic-tac, ah, c'est alors, symbiose, c'est... quoi. C'est assez incroyable. Laurel et Hardy. Je fais Hardy. Ça, c'est qui le mec? Laurel. Ah, je fais Laurel. D'accord, parce que je le vaux bien d'ailleurs. voilà, voilà. Allez, Philippe, trop de balles. Tu vas faire le blind test pour un précoce. Tu veux jouer contre qui au blind test pour un précoce? Face à moi, c'est ça? Ouais, qui tu veux face à toi? Tu veux Jonathan? Tu veux Maître Kevin? Non, Jonathan. Ah, t'es sûr? Je suis très très bon. Moi, franchement, je t'aurais conseillé Maître Kevin parce que Jonathan est plus fort. Grave. Ouais, Maître Kevin, alors. Ouais, franchement, c'est un conseil d'ami que je te donne. Après, si tu veux prendre Jonathan, tu prends Jonathan. On est bon joueur. Non, après, d'accord, Maître Kevin. Non, Maître Kevin. Ok, très bien. Alors, Kevin et Philippe, je vais vous passer des extraits de chansons très très courts, de 2 à 3 secondes, d'accord? Et vous allez devoir retrouver. Donc, pour Philippe. C'est ou le titre ou l'artiste. Et Maître Kevin, comme tu bosses à Fun Radio, t'es censé être calé. D'ailleurs, je l'ai prouvé tout à l'heure avec la bourde sur Chris Brand. Si vous n'étiez pas là, je vous la rappelle pas, c'est pas grave. Et, Kevin, donc c'est titre plus artiste, ok? Ok, ok, ok. Alors, Philippe, tu le laisses Maître Kevin commencer ou tu commences? Je vais commencer. Tu commences, très bien. Eh bien, écoute bien. Essayez de trouver aussi chez vous à la maison si vous trouvez avant Philippe ou avant Kevin. C'est cadeau Fun Radio qui arrive. Attention, extrait numéro 1. Oh, c'est super simple pour commencer. Nanana. Ah oh, oui, j'ai la chanson, mais le titre. Chris Brown. Non. Ah, t'es pas loin. C'est Chris, mais pas Brown. Vas-y, je te laisse une deuxième chance. Chris. Chris. Le protégé de Pharrell. Chris Williams. Non. Chris Cab. Chris Cab. Liar, liar. Yeah. I'm not a liar. Ouais, joli timbre de voix. J'aime beaucoup. Maître Kevin, on commence avec un simple pour vous. Alors attendez. Tout est en train de bugger. Ah, je vois. Ah, ça marche pas. Ça marche pas. Alors qu'il y a le truc. Alors attends. Tac, pourquoi ça marche pas ces conneries? Je sais pas. On est dans la merde. Oh là, on a un problème technique. D'accord, il y a plus rien qui marche. Très bien. Oh, merde. Non, il y a plus rien qui marche. Attends, je vais essayer de faire ça. Hop, excusez-moi, hein, pardonnez-nous cet excès d'amateurisme. Bah, on est en direct sur Fun Radio, mais et l'ordinateur vient de planter totalement en fait. Je vous explique tout ce qui se passe. Alors, est-ce que si je fais ça, ça marche? Ah. Maître Kevin, c'était qui? Ah, alors c'est. Bah, alors, il faut tous les noms? Ouais, vas-y. Major Lazer, featuring DJ Snake, Lean On. Et c'est parfait. Non. Ah non non. Major Lazer et DJ Snake featuring Mo Linan. Ah, je ne peux pas accorder le point maître Kevin. Bah non, mais arrête ça. Je ne peux pas, il manquait Mo. Mais qui la connaît cette meuf? Il a tout le monde, la connaît pas. Attends, Mo, il est vachement connu, il tient le bar dans les Simpsons. Mais vas-y, Major Lazer, on est dedans. Fais-moi un prix, frère, sans déconner. Comment c'est Shabbat? Je te fais 0,5. Je te fais 0,5, j'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin, frérot. Déjà la dernière fois, je t'ai fait un point gratos. J'irai pas plus loin. Tu prends ou tu laisses? Vas-y. Non, je le prends pas, je le prends pas. Ok, très bien. Très bien, c'est dur en affaire celui-ci. Ouais, un peu, ouais. Bon, Philippe, le son, il est pour toi, écoute bien. Non, c'est facile. On joue en ce moment à Don sur Fun. Ouh là là là là là là. Non, je vois pas. On dirait qu'il joue sa vie en fait. il s'appelle Nicky. Nicky James. Ah, yes. Y'a pas de S à la fin, mais ça passe. Nicky James. Hasta la manacer. Qu'est-ce qu'il dit, maître Kevin? C'est de l'arnaque, donne-lui le titre aussi. Mais non, frérot. Non, pas du tout. Non, je l'avais. Voilà, il l'avait. Bon, Kevin, arrête de te plaindre, frérot, et trouve le prochain son, et on n'en parlera plus. Y'a 1-0 pour le moment pour Philippe. Ah oui, alors c'est DCNE et le... Ah, ta merde, le titre c'est... DNC ou DCNE, merde. Non, ouais, c'est... Ouais, c'est ça. Attends, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi? C'est DCNE ou DNC ou HVW? C'est DCNE, non? C'est ça? DCNE, me dit? Il valide DCNE? Bah oui. Mais bah non. Et le titre? Oh, je m'en rappelle plus du titre. Bon, eh ben, je peux pas valider. DNCE Cake by the Ocean. Très bonne recette de cake. The Ocean, ouais. T'as un mec qui est dans l'océan et tout, il a envie d'un cake et là c'est la cake by the Ocean. Là, la dalle. Voilà. Fait chier jusqu'au bout ce Joe Jonas. Alors, ça fait toujours 0-1 pour Fifi. Mon Philippe, ouais, attention. Il est fort. On y va, frérot. Non, il est pas fort, il a 0, Philippe. T'es meilleur pour l'instant, Philippe. 1h20 du matin. Je te rappelle qu'on est en plein blind test pour un précoce. Écoute bien, Philippe. Oh putain. Oh. Oh, facile. Justin Bieber. Hey, yes, aïe. Bon, c'est cadeau celui-là. Hein. C'est vieux, ah oui, c'est vieux. 2-0. 2-0, 2-0. Et maître Kevin, je vous mets un nouveau son. Attendez, on kiffe le Justin jusqu'au bout quand même. Nouveau son pour Maître Kevin, attention. Maître Eden Floor. C'est le mec qui chante Amen là. Merde, comment il s'appelle? Amen. Oh merde. C'est comme un panier en quoi? Ah, c'est Ozier, bah oui, Ozier. Ah, panier, et le titre par contre? Et Take Me to Church. Non, y'a pas l'accent, je peux pas l'accorder le point. Arrête. Ouais, tu fais chier. Ouais, allez, c'est bon. Ouais, j'adore. Ah, ils sont jaloux, l'auditeur. Hein. Let me give you my life. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? On passe ça sur Fun Radio? Bah non, mais c'est Jonathan, il s'est fait plaisir. Ah, voilà, c'est lui qui a préparé le blind test. Écoute-le, laisse-le se faire plaisir un petit peu. Un petit peu quand même. Je le paye pas, il peut se faire plaisir sur le truc. Droit, oui. Bon, alors, prochain son pour toi. Donc 2-1 pour Philippe. Moi. Philippe. Oui. Tu veux un son récent ou un son ancien? Je suis plus de ancien. Un son ancien, très bien. Oui. Tu souffriras, nanana. Tu m'oublieras, mais. Ouais, c'est Loana, bon, c'est bon, je t'ai dit où l'artiste. Oui. Non, pas Lona. Je t'ai dit où l'artiste ou le titre, tu m'as dit tu m'oublieras, c'est de La Rousseau. Et tout le monde l'a oublié, ça a marché cette chanson. Et je l'ai croisée dans Paris sur la ville. Sérieux? Elle devient quoi la meuf? Que c'est vrai, il y a 2 semaines, mais elle est brune maintenant. Ah ouais? Mais elle est vachement bonne, à mon vieux. Du coup, elle s'appelle La Bruna? J'allais dire la La Bruna. J'allais dire la même. D'accord, mais tu l'as pas demandé ce qu'elle devenait, tout ça? Non. En fait, elle marchait devant la terrasse où j'étais et c'est mon pote qui me dit: regarde, c'est La Rousseau. Ah ouais, putain. Au début, je pensais que c'était une vanne. Et je me retourne et je regarde bien la meuf et c'était elle. Ah ouais, d'accord. Et elle allait en fait dans la tour où je bossais pour faire des trucs pour W9. Tu sais, Hit Machine, ils font des trucs à l'ancienne. Tout ouais, ça. Ouais. Bah, moi aussi, j'ai un plombier qui s'appelle Philippe. Hein, ça va, tu te calmes. Bon, alors, prochain extrait pour vous, Maître Kevin. Justement, et pas le droit à l'erreur parce qu'il y a 3-1 pour Philippe. Oui. Alors, c'est Major Lazer. Mm-hmm. Watch out for this. C'est gagné. Alors, 3-2. Putain, j'ai frotté sur ce son. 3-2, Maître Kevin qui transpire de fou parce que pour l'instant il perd. Il perd face à Philippe. Philippe, encore un son pour toi, mon Philippe. C'est le dernier, hein. C'est le dernier, ouais. Son. Très bien. Donc j'interroge. Mademoiselle, je vais pas vous. Oh. Ouais, je l'ai. Je l'ai. Heureusement. Stromae. Et le titre ? Formidable. J'étais formidable. Formidable. Oh, j'adore. Bon. J'adore Stromae, j'adore. Et bah nous aussi, et Stromae qui te permet de gagner du cadeau, c'est gagné frérot, bravo. Yeah. Victoire 4-2 face à Maître Kevin. Il pouvait pas revenir au score. L'arnaque. Hein. Mais quelle arnaque frérot, tu perds 4-2. L'arnaque. J'ai trouvé Linon 2000. On m'a dit il y avait Mo. Mais Mo quoi? Mais Mo Cislac frérot, ce qu'on dit tout à l'heure. Bon, allez, on va y aller. Philippe, merci d'avoir joué avec nous mon pote, tu gagnes du cadeau Fun Radio. Ah super, merci beaucoup, merci à vous. Salut Philippe, et raccroche pas, je te repasse des ailes, ok? Salut Fifi. Ouais. Salut mon poche. A bientôt Philippe, 1h25 du matin sur Fun Radio. Maître Kevin, et bah encore une défaite, putain. Bah c'est normal dès qu'on triche. Non. Ah si, j'ai vu, attention, je suis peut-être à Paris mais j'ai l'œil long hein. Oui, bon alors Maître Kevin, on va jouer avec qui dans quelques instants? Fils de pub. Ah très bien, il va vous chanter des extraits ou vous interpréter des publicités. À vous de retrouver quel produit est mis en avant dans cette publicité. Vous nous appelez au 3044, c'est pour envoyer des SMS et pour appeler c'est 02 851 4x0. Le son de Cédé Oro tout de suite, voici Baila, le seul fan en Lyon. Les Belta. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡A la cosa! ¡Le vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila. Radio. I need you. your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Bonne nuit sur Fun Radio, merci de nous avoir choisis. On est là dans toute la Belgique, d'Arlon à tourner. Vous débarquez au 02851 4x0. Il est 1h passée de 32 minutes. Dans quelques instants, on refera peut-être tourner la roue des jeux. On va faire la Loose Academy aussi tout à l'heure. Alors, Maître ah, Kevin, nouveau jeu. Je vous ai pas briefé. Ah ben non, pas du tout. Vous connaissez le tac à suivre, Maître Kevin? Bien évidemment. Eh bien, la Loose Academy, c'est la version 2.0 du tac à suivre. Vous serez, il y aura quelqu'un avec nous au standard et on jouera tous. Oui. Comme quand on fait dans le complet de 10, exactement, dans le jeu de la rime. Et en fait, on devra. Il y a quelqu'un qui va lancer une chanson. C'est ça. Et le premier qui sèche dans les paroles, donc ce sera des chansons connues, le premier qui sèche dans les paroles, éliminé du jeu. Ah ouais. Et je sens bien Maître Kevin parce que généralement, il est fort à ce genre de dos. Ouais, mais ça dépend. Si c'est Kenji, Black M ou Maître Gims, c'est mort. Ah bah, il y aura des chansons où ce sera mort, Maître Kevin. Mais vous pourrez choisir une chanson d'ailleurs. Ah, dites-moi quoi sur Facebook, ok? On ferait que du Booba, c'est ça, tenez comment. Ah, que du Booba, ah, d'accord. Non, parce que je vous avais présélectionné, Jonathan m'a demandé de présélectionner un son pour vous. Il m'a dit, il aime quoi, Maître Kevin? Je dis, bah vas-y, mais Sébastien Patrick, Patrick Sébastien. Oui, ah oui, ah oui. Ah, ah oui, oui. Ah, bah, on est d'accord, ah, je vous connais bien quand même. Ah, là, voilà, là on est dans un esprit festif. Voilà, début de week-end, j'aime bien. Là, on... Bon, bah, si vous voulez faire la Loose Academy, vous inscrivez au 3044 ou un petit coup de fil au 02-851-4x0. Il y a Justin Timberlake. C'est la suite. Le son de l'été, Can't Stop the Feeling. On a été la première radio dans toute la Belgique à vous jouer avant tous les autres. Et c'est dans 5 minutes sur Fun Radio. Et il y a Sabrina qui est avec nous. Allô Sabrina. Hello Sabri. Allô, allô. Oui, je suis là. Bonsoir, oui. Sabrina, ça va bien? Bonsoir. 23 ans, tu m'appelles de quel endroit en Belgique? De la QN, c'est ça? Ouais. Ok, tu fais quoi dans la vie? Je suis encore étudiante. D'accord, t'es tout essoufflé, tu viens de faire l'amour? Non. Qu'est-ce que tu... Pourquoi t'es essoufflé comme ça? Parce que c'était un haut-parleur et j'ai couru de ma chambre. Ah d'accord, ah oui, t'avais mis le temps qu'on t'appelle. Ok, très bien Sabrina. Bon, on va jouer avec Maître Kevin, Sabrina, et on va jouer à Fils de Poub. À quoi? Ah oui. Alors, il va t'expliquer. À quoi? Pas de panique Sabrina, attention. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah putain, mais no way quoi. Alors, c'est très simple. Oui. Fils de pub, je vais t'interpréter trois musiques de pub très connues ou alors te faire carrément la publicité et tu vas devoir retrouver la marque en question. Ok. Tu as compris? Ouais, j'ai compris. Tu regardes beaucoup les publicités à la télé, Sabrina, ou tu zappes? Ah, mais je zappe. Bah ouais, c'est clair, tout le monde zappe. Hein. Ouais, mais ça reste dans nos têtes. On zappe, mais ça reste dans nos têtes. Bonjour, ouais, c'est Olivier de Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. J'ai fait chier ma meuf avec ça pendant des mois et des mois. Carglass répare, Carglass remplace. Pourquoi elle avait un impact plus gros qu'une pièce de 2 euros? Bah, je peux te dire qu'elle avait un impact d'un billet de 50. Hein. Et comme elle a remboursé pas celle-ci. Hein. Bon, allez, voilà. Après tant de poésie et tant de classe, on y va, Maître Kevin. C'est parti, fils de poupée. Si tu es aussi, pardon, chez vous à la maison au 3044. C'est parti. Il fait près de 33 degrés. C'est pas des conditions. Il fait trop chaud pour travailler. Une gorgée de... Et c'est parti encore pour le travail. Voilà. Oh là là, j'ai aucune idée. Est-ce que t'as une idée, Sabrina? Déjà, c'est pas celui qui a fait Zorro qui a fait la pub, là. Zorro? Ah non, c'est pas Antonio Banderas. Non, c'est pas lui. Non. Alors, Kevin, indice, s'il te plaît. Alors, c'est une boisson qu'on trouve dans tous les magasins. Généralement, on dilue avec de l'eau ou de l'alcool pour ceux qui boivent. D'accord. Sabrina. Mais qu'est-ce que j'en sais? Écoute. Ah, peut-être que je l'ai. Moi, je l'ai pas, moi. Jonathan, t'as quoi? Pulco? Maître Kevin? Ah oui! Ah oh, oui! Joli! Oh, ça, c'est Pulco ce qu'on appelle citron. Une reprise de volée, ça. Rachel avait trouvé au 3044. Bravo, Rachel. Bravo, ma chérie. Alors. Kevin, on y va. Son numéro 2, il faut que tu trouves celui-ci. Sabrina, concentre-toi. Et j'espère... C'est plus simple, Maître Kevin, ou pas? Normalement, oui. Ok, bah vas-y. Et mon potager, des pommes de terre et des carottes. Avec, je peux tout faire au potager. Pourquoi tu fais Arthur qui chante? Parce que le mec, il a cette voix dans la pub. Oh, ouais, d'accord. Tu l'as ou pas, Sabrina? C'est pas une pub pour de beurre, non? Pour du beurre, non. Ou du solo? Non, c'est un produit de jardinerie. Il faudrait qu'il fume quand il est publicitaire de cette marque-là. Mon potager! On vend du beurre! Mais non, mon potager! Ouais, bah quoi que ça passe, hein, le ketchup. Bah oui! Ça passe encore. Le ketchup, ça passe, mais pas le beurre. Non, c'est pas du ketchup. Je donne la réponse. Bah attends, c'est quoi, sous 10? Bah j'ai dit que c'était un produit de jardinage. Bah c'est pour une soupe. Ah non, produit de jardinage! C'est pour un pesticide? Non. Non, ça se mange. Non, c'est pas vraiment un... Non, c'est pas un pesticide. Non. C'est de l'engrais? Oui, en quelque sorte, oui. Sabrina, il me faut une réponse. Mais je suis conne, moi je suis pas intelligente, hein. Non. Ah pas non, dis pas ça, dis arrête, pas ça. On n'est pas plus intelligent que toi, là. Ouais, non, dis pas ça. Non. Non. Je sens qu'elle est en train de taper sur Internet. Ouais, c'est ça. En même temps. Elle Wikipédie. C'était Gamme Vert, non? C'est ça, bien vu. Eh, hey, t'es fort, toi. C'était quoi? Gamme Vert. Gamme Vert, y'en a pas deux. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon. Non, excuse-le, il craque, hein, fin de semaine. Il y en a 37 d'ailleurs, dans quelques instants, on va faire le loto-foot, là, de l'euro. Ça arrive. Bon, allez, le dernier. Maître Kevin. Alors là, normalement, dès les premières secondes, tu vas devoir reconnaître. Allez, c'est y part, Sabrina. Appelez-moi monsieur le directeur. Alors, j'ai un problème avec ma voiture. Et qu'est-ce qu'on fait si jamais elle est en panne? Eh ben, c'est très très simple. Parce que nous, dès que votre voiture est en panne, on vous remplace cette voiture. Et ça, il n'y a que nous qui le faisons. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. C'est pas cher. C'est la que je préfère. C'est la. Voilà, on est bien rodé en tout cas. Bien synchro. Tu l'as, Sabrina? Ouais, la meuf. Et ben voilà, Sabrina. Ah oui. Ah ouais, là, t'es bien installé. Malheureusement, Sabrina, ça ne te fait que un point pour toi, ma Sabrina. Mais on ne sait pas grave. Ah, c'est perdu, Sabrina. Dommage. Je n'aime pas entendre cette musique sur cette antenne, Sabrina. Je t'envoie un petit lot de consolation. Je t'envoie un autocollant. Ah, c'est pas mal. C'est sympa, mais je suis grand seigneur. Un autocollant open space. J'aurais pu aussi lui faire un petit truc bonus, histoire qu'elle ait deux points et qu'elle reparte avec du cadeau. Ah, vous avez un truc bonus? Oui, je peux avoir. Ah, un truc facile alors. Bon, alors allez-y, maître Kevin. Le bonus, et si tu le trouves, t'as cadeau. T'as du cadeau pour toi, Sabrina. Je ferai des phrases complètes un jour. D'accord. Là, il n'y en a pas deux. La quoi? Là, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Qu'est-ce que t'as au pied? C'est des baskets, mais c'est quoi? C'est des machins de baskets. Permettez-moi de vous dire que vous êtes très mauvais en donnage d'indices, maître Kevin. Bah non, mais c'est tu veux dire quoi? C'est des de baskets. Bah, on dit une paire de baskets. Ils vendent des fenêtres. Ils vendent des fenêtres, c'est ça? Du matériel de bricolage. Ah oui, oui, oui. Tu l'as pas? Je suis pas sûr qu'elle le sache. C'était la paire. L'étonnement. Voilà, l'étonnement. Voilà, c'était la paire, ça paye pas de mine. Bon, je te fais des gros bisous en tout cas. Moi aussi, je fais des gros bisous. Merci de nous avoir appelé, ma chérie. Bisous, tu reviens quand tu veux, Sabrina, dans l'open space. 02851 4x 0. Qu'est-ce qu'il y a, Zézel? Non, rien. T'as l'air mal. C'est bon, tu t'es remis ta soirée, c'est bon? Non, toujours pas. Je suis au bord du Zézel, suicide. Parce que le standard bug ce soir, il est tout seul. Il y a pas Jérôme, il y a pas Coco, qu'on embrasse tous les deux d'ailleurs. Exactement, ouais. Je sais pas ce qu'ils font. Ils sont peut-être ensemble. Peut-être que Coralie est en train de me tromper avec Jérôme. Ah oh merde. Oui, Jérôme. Ah la pauvre. C'est moi. Acteur Studio. Non, je n'ai pas changé. Vos gueules. Ah, j'en peux plus de vos gueules. Je vous en déconner vivement la fin de la saison. J-12, 12 émissions d'ailleurs avant la fin de la saison. Oui. Mais croyez-moi qu'on va les kiffer ensemble ces 12 émissions. Je compte sur vous pour rejoindre la page Facebook. Mike Open Space dans quelques instants. Jonathan, qu'est-ce qu'on fait de l'autofoot? On va faire l'autofoot et la merde auditive là, ça arrive. Ah, la merde auditive également. On va se clasher, moi et Jonathan, sur un thème bien précis. Juste après, Justin Timberlake, et c'est vous dans l'équipe et chez vous à la maison qui allez donner des points à Jonathan au moins. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. When you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. When we move, well, you already know. Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bon. 1h44 du matin sur Fun Radio, on est en direct. Merci de nous avoir choisi les amis, différents de tout ce qui se passe ailleurs à la même heure sur la bande FM avec le son de La Fouine à venir. Petite question, vous manquez, t'a-t-il validé? C'est dans 5 minutes validé. La Fouine, Benny Benassi, Chris Brown, aussi Paradise à venir, oui. dans l'Open Space. Et Chris Brown, hein, qui est avec, ouais, c'est ça, qui est avec Benny Benassi. Et il y a la meuf Azazel qui vient de rentrer dans les studios. Comme chaque jeudi soir, elle vient chercher son paquet. Salut. Bonsoir, Bilitis. Alors, bah, tu sais que Zezel nous raconte tout de tout. Et là, il est en train de se mordre les doigts, Zezel. Zezel, ça va? Non, ça va pas. Il va se rire ce week-end. Bilitis, ma chérie. Oui. Comment ça se passe avec Zezel? Ça se passe bien. Ah bah c'est pas ce qu'il nous raconte tous les soirs. Il nous dit que c'est quand même voilà, c'est un peu compliqué. Bah c'est un peu tendu hein. C'est quoi cette histoire? Attends, j'essaie de récupérer. Attends, je rame. C'est quoi cette histoire de coucherie chez un autre? Non, je veux savoir parce que ça lui fait du mal. Zezel, c'est mon frérot et je le défendrai à la vie la mort. Mais c'est quoi cette coucherie histoire, Bilitis? Il y a pas. Tu n'as pas dormi chez une personne de sexe masculin, lien. Oui, au tout début de notre relation, et c'est mon meilleur ami, et il s'est jamais rien passé. Moi aussi, je suis meilleur ami, hein, t'inquiète pas. Notre Kevin. Prends le casque, Bilitis, très bien. Et donc, il nous a raconté, pour le côté un peu plus positif, que vous êtes partis quand même samedi et lundi dernier en club libertin. Eh oui. Elle est toute gênée, toute gênée. Tu as compris qu'en fait, il valait mieux qu'il te trompe devant toi que derrière toi, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Vu toutes les filles qui draguent ici à l'antenne, je me dis je préfère les rencontrer là-bas que pas les voir du tout. Eh, elle a une bonne répartie, Bilitis. Tu veux pas faire de la radio avec nous? Être tous les soirs avec Zezel. Ce serait pas mal, Zezel, t'en penses quoi? Non, je suis grillé. Non, mais je peux lui proposer un contrat. Putain, à elle, tu lui proposes non, un contrat? Non, mais à toi aussi, frérot. À toi aussi, mais t'en as. Un contrat commun pour mais vous. Non, mais c'est un contrat invisible entre nous, quoi. Un contrat nuptial, en fait. Ouais, ça va. Bon. Bilitis, oui. Tu voudrais venir le faire chez le surveiller tous les soirs? J'aimerais bien, oui. C'est fait. C'est fait. Bilitis avec nous dès lundi dans l'émission. Voilà, c'est fait. Tu fais rien de 23h à 2h, Bilitis. Non. Eh ben, c'est fait. Allez, c'est parfait. C'est fait. Et c'est elle qui refait sa race. Oh putain, le mec qui fait venir jusqu'à présent, jusqu'ici, il fait venir ici. Oh, putain, je vais même plus parler, vas-y. Il va sauter. Ouais, papa. Zezel ne saute pas par la fenêtre. Bon, maître. Qu'est-ce qu'il dit, maître Kevin? J'ai rien dit. Ah, très bien, ça m'étonnait. Oh, sinon, il y a mon chat qui aimerait faire de la radio aussi. Est-ce qu'il y a moyen de. Écoute, niveau plante verte, on a déjà Coralie, ça va, ça suffit. Non, je rigole, je l'embrasse, Coco qui est pas très bien en plus ce soir. Bon, alors on fait l'autofoot tout de suite. Le loto-foot de l'euro, ouais. Avant de faire la clash de la merde auditive. Non, non. Avec Angie qui est là. Salut Angie. Salut. Ça va bien Angie? Ouais, ça va c'est et vous? Presque pareil que Kenji. Exactement. Oh, je me disais que ça me disait un truc. Et il a dit Kenji, maître Kevin. Ah oh, putain, mais il pouvait pas. Excuse-moi, c'est maître cadeau, Kevin, mais t'aurais pu fermer ta gueule, putain. Merci beaucoup, maître Kevin, c'est mon petit cadeau du week-end. Je rappelle que quand quelqu'un dit Kenji dans cette émission, tu sais ce qui se passe, Angie? Non. Eh bien, on passe du Kenji. C'est mon chouchou. ma belle Andalouse. Aussi belle que jalouse. Ah, j'ai pas coupé le micro de la meuf de Azazel. Merci, c'est mieux maintenant. Son jaille. Bon, allez, on va faire le loto foot de l'Euro 2016, les amis, puisque ça y est, on y est, enfin oui. Demain, Maître Kevin, on est d'accord, on se coupe de toute vie sociale demain. Ah ouais, mais déjà ma meuf là m'a envoyé un message pour me dire je te préviens, ce week-end on est ensemble. Donc j'ai pas encore répondu. Ah non. Ah oui, elle peut être avec toi, mais tu peux regarder des matchs de foot, tu vois. Ah oh, mais elle aime pas ça en fait, parce que tu sais, c'est. Bah et passe-lui ton iPad, frérot, j'en sais rien moi. Je crois que c'est encore plus horrible pour une meuf que d'être à côté de son mec, mais que son mec ne la calcule pas. Ça, bah non, mais tu lui expliques les règles du hors-jeu, enfin voilà. Oui. Bon. Oui. Allez, l'autofoot Euro 2016, oui. Attention, on va le faire avec toi, Angie. Angie ? Oui, d'accord, ok. T'aimes le foot, Angie ? Ça va. Tu vas regarder, toi ? Ouais. Tu vas regarder avec ton mec ? Ouais. Non, je suis bâtard. Oh putain, mais t'es la meuf parfaite. Moi, je veux être avec toi, Angie. On va le regarder les matchs ensemble. Non, merci. Et paf ! Et paf ! Et bim ! Je voulais t'offrir un cadeau déjà, Angie, c'est fini là. tu viens de me briser le cœur, Angie. Ah, dommage. Oh putain. Angie, est-ce que t'es au courant que je suis un petit cœur quand même qui est tout maltraité depuis le début de cette année et que tu viens encore de retourner le couteau dans la plaie, Angie ? Désolé. T'en as rien à foutre, Angie. Ça l'a fait rigoler en plus. Vite, son cœur saigne. Emmenez-le en salle 1. En trauma. Bipez Docteur Karev, vite. Angie, je me meurs, Angie. Oui. Je décède, Angie. Je te fais une mort à la Marion Cotillard, Angie. Oh. Et il est mort. Reviens, Mike. Reviens. Il est mort en 4 temps. Bon, eh ben, Angie, même si tu veux pas regarder les matchs avec moi, on va quand même faire le loto-foot avec Maître Kevin qui a préparé tout ça. Ah oui, il y en a beaucoup. Hein. Alors, allez-y, on va faire les matchs du week-end jusqu'à lundi soir, c'est ça ? Jusqu'à lundi et le fameux Belgique-Italie, bien évidemment. Alors, allez-y. On commence avec le France-Roumanie de demain soir 21h. Eh bien, je dis, allez la France, évidemment, demain. D'accord. Mike, Jonathan. Oui, je dis pareil, la France. La France. D'accord. Les bleus. Tiens, Vince. Zezel. Tu veux faire le foot avec nous ? Le gars, il vient en overboard. Le gars, depuis qu'il est parti rue Bayard, il a quand même la gros boulard. Hein, il est overboard, hésitant, le gars. Il est hésitant. Ah, je t'apprendrai, t'inquiète. C'est la deuxième fois, allez. Allez, je t'apprendrai après. Ça va, c'est quoi ton pronostic ? Tu veux faire le loto foot avec nous ou pas ? Ouais, vas-y. Alors là, on est sur France-Roumanie de demain. Oh purée, France-Roumanie, c'est déjà demain ? Ouais. Ouais, c'est au premier match, victoire de la France, à mon avis, on va dire un bon 2-0 pour avoir confiance. Là. Ah, donc tu mets France. Yes. On parie pas les résultats complets. Zézel, t'as mis quoi ? Moi, j'avais mis les bleus. Angie ? Les bleus aussi. La France et Maître Kevin, évidemment. Évidemment, la Roumanie. Non, l'équipe de France. Ok, très bien. Prochain match, on y va, on enchaîne parce qu'il y en a beaucoup à pronostiquer, match, il est déjà 1h50. C'est Angleterre-Russie. Ah. C'est quoi, la Russie chaque année, chaque Euro ils font les surprises, je mets la Russie. Moi je mets match nul par contre. Vince. Russie, pareil. La Russie. Angleterre-Rooney. Ok, oui, Rooney, très bien, fais pas le spécialiste. Et Angie ? Angleterre. Maître Kevin. Angleterre aussi. Ah ouais, mais pas la Russie ? Ah non, t'es ouf, Angleterre elle a une vraie équipe. Ok, ben oui. Très bien. Alors, prochain match. Oui, pronostiquer aussi, derby, hein, chez vous à la maison 30-44. Le derby du couteau, le couteau tico, c'est Turquie-Croatie. Le couteau tico, Turquie-Croatie. Turquie-Croatie. Mais d'où la Turquie, c'est dans l'Europe. Mais c'est ça, déjà devant. Alors, Israël joue bien en Europe, frère, donc c'est. Ouais, c'est vrai, ça passe. L'Europe est ouverte. Ouais, c'est vrai. Bah, Turquie-Croatie. On aime cette Europe ouverte. Je dis Croatie pour en moi. En open space, Croatie. La Croatie. Croatie pour qui pour, je... ah, pour moi. Mais Jonathan. Pour Jonathan. Pour Zezel aussi, la Croatie. Pour Vince ? Turquie. Moi, franchement, je match nul. Et Angie, tu mets quoi ? Croatie. Ah ouais, Angie ? Ouais. Tu prends des risques, Angie. Bah, et toi, Kevin ? Alors, moi, mon cœur balance parce que la Turquie, c'est mon deuxième pays. Et la Croatie, je connais pas mal de Croates. Surtout qu'elles sont très, très souples, les acrobates croates. merde. Ah ouais, bon, allez, bouge-toi. La Turquie. Ok, très bien. Ouais. Allez, on enchaîne. Allemagne-Ukraine, le derby de Tchernobyl. Alors, qu'allez-vous choisir ? Jonathan. Je dis Allemagne, ils sont bons quand même. Hein, ouais. Le gardien, génial. Comment Allemagne, tu mets quoi, Zezel ? Allemagne, Vince, Allemagne. Ouais, Allemagne d'office. Allemagne, Angie, tu mets Allemagne ? Allemagne. Et Maître Kevin, Allemagne aussi. Moi aussi, tout le monde. Ok, tout le monde. On enchaîne, il y a combien de matchs, Kevin ? Il en reste 3. Ok, 3 matchs. Espagne-République tchèque. Espagne-République tchèque. Espagne, bah, évidemment, Espagne, champion d'Europe en Espagne, titre. Espagne. Je pense que tout le monde met Kevin, Espagne. Zézel, Espagne. Ouais, Kevin, Espagne. NJ. Espagne. Mais évidemment. D'accord, Espagne. Alors, l'avant-dernier match, c'est Irlande-Suède, la Suède de Zlatan. On va ah ouais, il y a Zlatan quand même. J'allais dire, on va se faire chier sur ce match, mais. Non, non, justement. Donc, je mets Zlatan. Je mets pas la Suède, je mets Zlatan juste. D'accord, donc Zlatan. Jonathan. Pareil pour moi, Suède. Vince. Un match nul. Match nul, Zezel. Match nul. NJ. C'est dur. Je sais pas trop, ouais. Allez, dans le doute, on va dire match nul. Match nul, très bien. Et maître Kevin. Irlande. L'Irlande, très bien. Et le dernier match lundi soir. La Belgique. La la la. La la. La Belgique, Italie. Contre l'Italie. Alors, tout le monde met la Belgique, ça va aller très rapidement. Bah, franchement, moi, je sais pas. Belgique, Italie, je sais pas. Moi, je dis match nul. Franchement, dans le. Tu commences l'euro comme ça, toi, avec un match nul. L'Italie, ce serait pas bien, un mauvais score. Ce serait pas bien. Un mauvais score pour voilà. La Belgique. Zezel. 2-1 pour l'Italie. Ah ouais. Putain, les gars. Ouais. Ah ouais. Mais c'est ouais. Quoi ces patriotes de fou là. On a c'est besoin d'être tous unis. Hein. L'Union on fait la force, putain. Ouais, mais je sais pas, ils sont pas chauds, hein, les Belges cette année. Vince. Bon, on a battu l'Italie déjà en match amical. Oui. Et puis bon, la Belgique, ils sont meilleurs sous pression. Donc, à mon avis, ils ont fait de la victoire à la Belgique, je crois. On part surprise, vraiment. Fin de match, tu vois. La Belgique, hold up. Ouais. Maître Kevin. Moi, je miserais sur le match nul. Le match nul. Et Angie. La Belgique, bien entendu. La Belgique, allez les diables. Ouais. Et bah résultat lundi puis mardi on refera un autre lotofoot. Ouais. Ah ça va être bien jusqu'à la fin de la saison là, on va faire que des lotofoot tous les soirs. Moins de travail pour Jonathan, il va kiffer. Bon et bah gros bisous NJ, résultat lundi dans l'émission, on te rappelle lundi, ok? Tu seras Jonathan Bastorci. D'accord, y'a pas de soucis. Bisous ma chérie. Merci, bisous à tout le monde. T'as toujours pas changé d'avis NJ? Non, désolé. Ok. Bon bah voilà, bah je t'emmène bien la semaine, parfait. Ça te fait rire en plus. Connasse. Oh putain, non, je déconne. 1h55 du matin sur Fun Radio. Dans quelques instants, qu'est-ce qu'on fait, Jonathan? On fait la merde ou Div. Je peux peut-être déjà donner l'intitulé de. Ah, on va le faire dans 3 minutes, la merde ou okay, Div. Okay. Mais je peux donner l'intitulé ou pas? Oui, c'est Jonathan et moi qui s'affrontons en balançant les sons les plus ringards possibles. Et c'est vous dans l'équipe et chez vous à la maison qui nous attribuez les points. C'est ça. Et le thème de ce soir, c'est chanteur ou chanteuse que quand tu les écoutes, ton médecin te diagnostique une gastro, 3 jours de certificat médical et en plus te prescrit un rendez-vous chez le psy pour tes tendances suicidaires. Tu l'écris tout seul comme un grand. Oui, je l'écris tout seul. Bon, on se fait ça dans quelques instants, juste après le son de la fouine. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je l'ai dit, son intitulé, c'est un poème de Verlaine. Ah oui, c'est Baudelaire, le gars. Il est sorti 3 ans avec lui. Bonne soirée à tout le monde, on est sur Fun Radio dans quelques instants. JT déjanté aussi, on va se faire la Loose Academy si on a le temps. Et puis voici la fouine dans l'Open Space. CD, maman m'a dit mon fils tu es acharné au taf pour y arriver. Nuit blanche on a dû bosser, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée Déliré au bloc en cellule dans des coins paumés dans tous les quartiers. Je suis validé en France, en Afrique, tourbus sud-ouest de la région centre nord pas de Calais. Toi tu n'arrêtes pas de caler et tu valides. Très mauvais élève, les profs ne m'ont jamais validé. Depuis mes débuts, seulement si j'avais su refaire l'école, j'aurais pas quitté. J'aurais pas quitté. Maintenant je sais, en élevant ma fille, que ça devait être très dur pour le daron. Je l'ai fatigué de tous ses objectifs. J'ai besoin d'air, je crois que le morceau, je vais pas le clipper. En fait, si, je vais le clipper. Validé, tu valides. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? Chez toi et tu valides. D'où tu viens ici, personne t'a validé. Validé, validé, personne ne t'a validé. Validé, personne ne t'a validé. Validé, personne ne t'a validé. Validé, personne ne t'a validé. Validé, validé, validé. validé. Je vais en paix, sors le calumet, calumet, calumet. J'ai un flow qui fait saliver, saliver, saliver. Toi ton bord n'est pas validé, validé, validé. Validé, validé, validé. Je vais en paix, sors le calumet, calumet, calumet. J'ai un flow qui fait saliver, saliver, saliver. Toi ton bord n'est pas validé, validé, validé. Validé, tu valides. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? Tu valides. Tu bombes le top chez toi et tu valides. Tu valides. D'où tu viens ici, personne t'a validé. Validé, validé, tu valides. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? Tu valides. Tu bombes le top chez toi et tu valides. Tu valides. D'où tu viens ici, personne t'a validé. Validé, validé, validé, validé, validé. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Et ouais, on est là, on squatte la radio avec vous jusqu'à 2h du matin. On va terminer encore à la bourre. Un petit peu à la bourre. Voilà, comme d'habitude, 1h59 du matin sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisi. Il y a Zezel, il y a Jonathan qui est là évidemment avec sa petite chemise de chez Célio. 9,99 chez Célio. H&M. H&M, ah, c'est vrai. Mais franchement, moi. Elle te va bien, elle te va. Mais j'ai acheté un truc chez H&M, chez moi on dirait que c'est du Armani, quoi, tu vois. Tellement que ça me va bien et tout. Enfin, je me sens trop Du Armani. Du Armani que t'achètes sur le souk à Marrakech, tu vois. Il y a Maître Kevin également. Ah oui. Ah oui, frérot. Et puis dans quelques instants, on va se faire le son de Benny Benassi et Chris Brown. C'est Paradise qui arrive dans l'Open Space. C'est dans 5 minutes le temps de se faire la merde auditive ensemble, la dernière de la semaine. Et il y a qui pour donner les points? C'est Joachim qui est avec nous. Salut Joachim. Bonsoir. Bon Joachim, on t'avait prévu, frérot, sur la Loose Academy qu'on n'aura pas le temps de faire, qu'on fera lundi. Donc je te propose de jouer avec nous à la merde auditive, d'accord? Ça marche. Zezel qui fait des gros yeux. Genre il y a un changement de programme, mais il va pas être au courant. C'est moi qui vais me faire engueuler. Putain, j'ai failli tomber dans les pommes. Hein. Bon, frérot. Oui. Alors, je t'explique Jonathan explique le principe de la merde auditive parce qu'il y a une couille technique que je vais régler tout de suite. La merde auditive, c'est pas compliqué. En fait, Mike et moi, on a l'habitude de se balancer des sons de merde hors antenne quand on va. Ah, on passe notre vie à chanter et tout hors antenne. C'est ça. On passe notre vie à chanter. Ah, c'est cool. On s'est dit pourquoi pas en faire profiter les gens. Et se faire profiter. C'est comme un bidet. Voilà. Pourquoi pas imposer ça à tout le monde? Voilà, pourquoi pas imposer ça à tout le monde et se lancer des merdes que t'as pas entendu depuis des années ou bien quand tu les écoutes, tes oreilles saignent. Et celui qui a la plus grosse merde, celui qui balance vraiment le clash auditif le plus merdique, eh ben il a un point. Et celui qui a un point, ben il a un point. Ok, très bien. Une balle sans parachute, en fait. Bon. Alors, t'as bien compris? Donc tu vas nous donner des points en fait, c'est tout, y'a rien à comprendre. Ça marche. Ça, bon, on y va, c'est parti. Par contre, qui me paye quoi pour que je lui donne tous les points? On peut en déchirer. Tu me parles de thunes, frérot, ça va être compliqué. On y va, le clash de la merde auditive. D'un côté, Jonathan. Je suis là avec mes sons de merde et une chemise H&M qu'il considère comme une chemise Armani. Et de l'autre côté, Mike. Excuse-moi, pour mon anniversaire, tu m'offres pas une chemise H&M en disant c'est du Armani. Hein. Tu rigoles quoi, je t'offre une chemise Hollister. Ah, c'est vrai. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté, Mike. Avec son t-shirt à fleurs, on dirait qu'il vient de chez le berger. Je bourgeonne. Tu bourgeonnes. C'est le printemps, les gars. Ah, il y a une abeille sur ton t-shirt. Non, c'est une blague. Je donne déjà un point à Mike parce qu'il a des fleurs sur son t-shirt. Ouais, bah j'ai des fleurs, enfin c'est. Non, mais comment tu dis, enfin c'est chelou quoi. Non, c'est un t-shirt hawaïen quoi, enfin on est en vacances quoi. C'est un t-shirt, oui, ça, oui, voilà. C'est pas mal. Il a la même chemise que Gilles Verdez hier. Ouais, c'est ça, ouais. Non, on est pas loin, Non, pas du tout. Sérieux, il est dégueulasse mon t-shirt. Ah non, moi j'aime bien son t-shirt. Bah alors, qu'est-ce que tu me fais chier? Bah voilà, c'est toi. Merci. Bon, alors. On rappelle le thème, Jonathan. Le thème de ce soir, c'est les chanteurs ou chanteuses que quand tu les écoutes, ton médecin te diagnostique direct une gastro, 3 jours de certificat médical et en plus, il te dit d'aller voir le psy pour tes tendances suicidaires. Ok. Jonathan qui a passé une nuit complète à écrire l'intitulé du truc. Brainstorming de dingue. Alors, les chanteuses qui font déprimer en gros, ou alors qui font vomir. Ou qui font vomir, c'est ça. Tu me passes lequel en premier, Jonathan? Je vais te balancer le premier, tiens. Ah, le premier. Alors, ça me refait comme tout à l'heure, ça bug le dos. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment là qu'on est dans fond du clash, quoi. Alors, tu vois. D'un? Ah bah ouais, ouais. Non mais ça casse tout, ça casse le rythme, c'est ça. Ce que je te dis. Bah attends, on l'a refait. Dans une boîte à la mort, Benoît platine, son copain. Ah Benoît, Benoît Dubois. Non, non, pas Benoît Dubois, non, non. C'est un son qui passait sur Fun Radio à l'époque, sur Fun TV d'ailleurs, il y avait le clip et tout. Et en fait, aujourd'hui, le gars, il fait partie du groupe Ocean Drive. Mais à l'époque, il faisait de la merde et voilà, c'était une musique sur l'homosexualité, enfin, un truc complexe. Ah, d'accord, complexe. Ok, très bien. Qu'est-ce qui me fait rire cette musique? Ah ouais? Ah, tourne-toi, Benoît, c'est ça? C'est ça, tourne-toi, ah, okay, Benoît. Très bien. Eh bien, moi, face tu à Benoît. Non, je connaissais pas. T'as vomi, hein, quand même. Jonathan n'arrête pas de m'en parler, mais je connaissais pas. Alors, face à Benoît, ta gueule, Kevin. Ta gueule. Je mets ça. Ah ouais. Ça donne envie de vomir, je trouve pas mieux. Ah ouais, quand même. Ah putain, la meuf à Zezel qui s'enjaille. Merde, mon pauvre Zezel. Ouais. Est-ce qu'elle le met dans la bagnole? Ouais. Oh putain. Ouais, je suis. Ah, tristesse. Tu sais que ça, c'est motif d'abandon sur le périphérique ou l'autoroute, ça. Ah bah, c'est motif de rupture tout de suite, hein, je te le dis. Hein. Bon, alors. Vous mettez le point à qui? Tiens, bah, Bilitis, tu vas choisir aussi la meuf à Zezel. Tu mets le point à qui? John. Bah, je te mets du Joule, ta chanteuse préférée, tu mets le point à John. Bah, justement, parce qu'elle kiffe, donc c'est pas de la merde pour elle. Ouais, c'est parce qu'en fait, elle a peur de moi. Alors, Zezel. Moi, je mets le point à Mike. Ok, maître Kevin. J'en donne 10 à Mike. Très bien, un point pour moi. Et Joachim, tu mets à qui le point? J'accorde à Mike aussi. Oh, ok, très bien. 1-0 pour toi. 1-0 pour moi. Tu veux lequel, Jonathan? Allez, on va faire le 2, tiens. Très bien. En fait, dans l'ordre, en fait. Oui, en fait. Oh, bien. De la bonne Bravo. Humeur. Alors, qui ça. Qui fera mon bonheur. Ça, c'est gastro et gastro-entérite 4000. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Joachim, carie sur les dents et tartre aussi. Alors, attends. Oui. Non, mais attends, j'ai quand même passé mon son avant de te demander pour qui tu votes. Face à Zaz, je mets Vanessa. Ah ouais, non. C'est un truc de ouf. Ah ouais, putain, mais t'es fort ce soir. T'es très très fort. Vanessa, Secret Story. Fais la blonde. La blonde, ouais, qui vient du Nord, ouais. Alors, Joachim, tu mets le point à qui? À Mike. Ah, merci frérot, merci frérot. Bilitis, la meuf à Zezel. Ouais, Mike aussi. Ah, parfait. Maître Kevin. C'était quoi déjà la première? J'ai oublié. Zaz. Ah oh, putain, il y a combat là. Bon non, ça c'est quand même une artiste. Allez, je donne la mic. Mon prochain son, Jonathan, je vais te le mettre dans la gueule. Vas-y. Une chanson, donc c'est les chansons qui font vomir et qui font déprimer. Et déprimer aussi, ouais. Ah, pas mal. Pas mal, mais on aime bien. D'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme. Alors, tu mets quoi en face? Eh ben, je te mets, je pense, la chanson la plus déprimante que je connaisse, c'est celle-là, tiens. Simon & Garfunkel. On rentre dans le match technique, là. Ah, là, c'est à se couper la technique. Cette musique, elle me rappelle une pub allemande. Ah ouais? Ouais, vraiment une pub allemande pour vendre des coffrets DVD de chansons de rock des années 80. Ah non, mais là on est dans les antennes. Hein. Ça, Maître Kevin est toujours dans Fils de Poube. Hein. On nous dit sur l'SMS 3044, Mike, mon petit Mike, autant finir sur une bonne note. Slimane est bon aussi. Slimane est bon aussi, elle a dit. Non, mais on fera après Slimane. Zezel Meni, il veut pas m'appeler, arrête de draguer, je suis pas d'accord, c'est Rachel qui nous dit ça. Bisous ma Rachel d'amour. Elle nous fout dans la merde à chaque fois celle-là. Hein. Alors, je passerai du Slimane avant la fin de l'émission, Rachel. Bon, tu mets le point à qui, Joachim? Jonathan. Jonathan, très bien. Ah ouais, tu me trahis, frérot, ok, tranquille. John. Non, mais sa musique, elle est déprimante. Franchement, John. Moi, c'est une musique, c'est ultra déprimant, les gars. Non, mais attends, Edgar Twinkle. Maître Kevin? Ah Joe, ça c'est sûr. Bon, ouais, bah, très bien. Ça fait 3-1, c'est ça? 2-1. Ah, 2-1, donc tout va se jouer sur ce point-là. Jonathan, tu me balances quelle chanson? Je te balance le 4, mais c'est pas déprimant. Ah, c'est de la merde, hein, ça pour le coup. Hein. L'ex-boyfriend de Laurie, Billy Crawford. Ouais, Billy Crawford. C'est bien, mais je pense que. Pardon. Merci. Je vais essayer de vous enjoyer, maître Kevin. Mais je pense que tu feras pas l'affaire face à mon son. Ah bon? Moi, j'ai choisi. Freddy Turgo. C'est quoi cette merde? Ça va d'aller. Freddy Turgo, un truc de ouf. Vous connaissez pas Freddy Turgo? Ah non, le belge. Mais Zezé, il connaît, je crois, non? Ouais, Freddy Turgo. Ah non, je connais pas. Ça va d'aller, c'est un morceau de merde. Ah, ça pour le coup, ouais. Ah, c'est de la merde. Ah, même l'instrumental, c'est pourri. Ouais, j'aime bien, moi. Ça va d'aller. Oh putain. Ça va d'aller. Et là t'as été chercher dans tes villes. Ça va d'aller. Alors Joachim, tu connais ou pas Freddy Turgo, Joachim? Oui, bien sûr. Ah frérot, tu mets le point à qui alors? À toi, Mike. Ah, parce que là c'est vraiment. Ah bah on est loin. On est loin là. On est super loin. Bilitis. Ah Mike. Zezel. Mike. Maître Kevin. Mais bon. Bon bah Mike. Il veut pas être hors mouvement, le gars. Il veut pas être en dispute. Eh bien, je gagne ce grand clash de la merde auditive face à Jonathan. Encore une fois, putain. Encore une victoire. Tu vois qu'ils sont en culture générale, en musique, en blind test. Je te bats partout dans tous les domaines. Ouais, mais t'es un niveau au-dessus de tout le monde en fait. Hein. Voilà. Non, juste au-dessus de toi. Juste au-dessus de toi. Ah non, au-dessus de toi, il y a le soleil. Au-dessus de toi, il y a le soleil. Arrête tes conneries. Petite requête. Quoi ? Si les gens sont vraiment dans le bad et au bord de la fenêtre, il y a deux chansons que je conseille. Alors. La première, c'est Arnevision, Lande Dépression. Qui est, alors ça si tu plonges pas. Mais c'est un petit cœur sensible, ça vaut pas la peine. Oui, et la deuxième, c'est Vincent Delerme, L'Abat-Jour. Mais non, mais c'est une blague, ça, par contre. Vincent Delerme. Cosmopolitan, elle s'appelle la chanson. D'accord, ok, je l'ai pas en machine, hein. Je suis en train de le chercher comme un con, mais j'ai pas de Vincent Delerme en machine. Je crois que même Nostalgie l'a pas, celle-là. Donc. Elle est magnifique, cette chanson. Joachim ? Oui ? Je t'envoie du cadeau à la maison, ok, frérot ? D'accord, merci. Je peux juste passer un petit big up ? Vas-y. Je passe un big up à mon pote Jean Guigui, qui habite en Normandie, et à mon pote Yannick, qui habite au Québec et qui nous écoute tous les deux. Ah ben Jean Guigui, il habite juste à côté de Maître Kevin, alors. Mais je le connais, Jean Guigui, mais bien sûr. Et je suis parti au balton la dernière fois avec lui. Allez, bonne soirée, Joachim, à bientôt, frérot. Bonne soirée. 2h09 Non. T'as dit quoi, pardon, Joachim ? J'ai pas entendu la fin. J'ai dit bonne soirée, Kenji. Ah, il a dit bonne soirée, Kenji. C'est bien ce qui me semblait. Je suis donc obligé de vous passer un petit son, de vous imposer un son de mon chouchou. Je suis désolé, l'équipe. Je sais que vous supportez pas, mais je kiffe. Et les auditeurs sont toujours les chefs de cette émission. Je crois qu'il faut que t'embauches vraiment Bidditis, hein, parce qu'à chaque fois, elle s'enjaille sur tout ce que tu passes. Ne joue pas avec le danger. Allez. Peur de s'ambiance avant le week-end, là. Bonne avec le danger. Salut Joachim, merci frérot. A plus, mec. A bientôt, mon pote. 2h09 du matin sur Fun. Allez, juste avant de se quitter, on va se faire le son de Benny Benassi, Chris Brown. Et puis, le JT Déjanté qui arrive, bien évidemment, pour terminer la semaine en beauté. Paradise, Open Space, Libertad. I live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying fire. Now we're burning up, not over. Yelling, turn it up, let go, let go, let go. Closer I get to you, it feels like paradise, and I'll do anything you want me to, when we're in paradise, I'll see you on the other side, where it's alright, if tonight is the last night, I'll see you in paradise. Bonne nuit sur Fun Radio, merci de nous avoir choisis, c'est l'Open Space avec vous jusqu'à 2h du matin, on est là. Et j'ai zappé le jingle, c'est parfait. Alors, bravo. Merci Jonathan. Bravo. Bravo Moré. Tu connais pas ? Je suis pas assez pris dans la gueule aujourd'hui. Non, sans déconner. Après tout à l'heure, Angie qui voulait pas de moi. Là, dans ta gueule, comme ça, c'est un bravo Moré. Bravo Moré. Ok, très bien, je m'en bats les couilles. Jonathan qui est là, il y a NZL également qui squatte avec nous. Et Maître Kevin, évidemment, le talent. Kevin, est-ce que Jean-Marie Bigard peut garder sa vanne du jeudi soir pour lundi, éventuellement ? Exceptionnel. Ah, ça tombe bien, il était pas là. Ah, donc ça tombe bien. Bon, on y va pour les titres. Qu'il finit bien. À la une de l'actualité demain, avant de se quitter, voici l'heure du JT Déjanté sur Fun Radio. Transformation en journaliste bidon. Hello Zezel, hello Maître Kevin, hello Jonathan. Hello à tous. déformation professionnelle. Et oui, le corps d'un ramasseur de balles de Roland-Garros retrouvé dans un camping, les mains agrippées à une boule de caravane. Réalité. Oui, quand un unijambiste se lève du mauvais pied, il s'en rend compte tout de suite. Circoncision. Le rabbin avait jeté le mauvais morceau. Une mère de famille a élevé un bout de peau pendant plus d'un an. Oh mais non, c'est dégueulasse. Des rats crevés depuis 7 ans. Oui, les secrets de la fabrication de la cantine de Fun Radio enfin dévoilés. Message aux femmes. Oui, les filles, par exemple Bilitis, si vous en avez plein le dos, eh bien demandez à votre mec d'apprendre à viser. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Eh ouais, 2h13 du matin. Ainsi s'achèvent les aventures de l'Open Space pour cette semaine, les amis. J'espère que vous serez au rencard lundi soir dès 23h. Pour une nouvelle semaine, il restera plus que 11 émissions lundi. Donc, bah là maintenant, il reste plus que 11 émissions. 11 émissions avant la fin de la saison. Ouais. Eh ouais, putain, je sais, ça va nous faire tout drôle. Ah vraiment. On espère être là. Bah, on a peut-être des trucs pour les. Oh, on va pas trop en dire. Parce qu'on sait jamais, mais voilà. Voilà. En tout cas, on vous lâchera pas cet été. Au pire, on fera des vidéos, on les mettra sur le Facebook, tu sais quoi. Rien à foutre. Maître Kevin, bon week-end le talent. Oui, les amis. Le génie. Bon week-end. À lundi dans l'émission, Maître Kevin. Yes. Mon Zézel. Oui. Bisous. Bisous. Bon courage bisous. Avec Bilitis, meuf. Ouais, surtout. Tu vas l'emmener en club libertin, Bilitis? Non, mais il y a d'autres choses de prévu, il t'en parlera. Ah. Oh. D'accord, il sera là lundi soir quand même, j'espère. Hein. Oui, oui, il sera là. Bon, très bien. Bon week-end à toi aussi, Bilitis, bon Merci. Week-end. J'attends. Oui, j'avais juste un truc à dire, je sais pas pour toi, mais en tout cas, 3 x 4 chez moi ça fait 12, il nous reste 3 semaines d'émission, donc il nous reste 12 émissions en fait. Hein. Voilà. Ah d'accord. Voilà, c'est une de plus. Pas de panique les gars, une de plus. On va peut-être négocier. Ah mais tu sais quoi, on peut négocier pour terminer mi-juillet à la limite. Hein. On va voir oui, ça. Oui, on va essayer. Bon, on embrasse Coco qui était malade ce soir. Bisous, on embrasse Coco. Jérôme aussi malade. Bisous Jonathan, à lundi. Demain. À lundi Mike. Oui, mais non. Ne nous grille pas s'il te plaît. Non mais demain je dois faire des courses, donc à demain. Ah ouais, c'est ça. Taximan quoi. Frérot, tu crois quoi? Bon allez, 2h14 du matin sur Fun Radio. Plein de bisous les amis, demain matin dès 6h du mat, Evan et la tribu pour vous réveiller entre 6h et 9h avec des overboards à pécho chez Evan. Il y en aura aussi chez la belle Audrey entre 17h et 20h. Et à 20h demain c'est Oli de Party Fun qui sera là pour ambiancer, génial, pour retourner toute la Belgique. Bisous tout le monde, profitez des gens que vous aimez. Et à lundi, Libertad. Mike Open Space revient lundi dès 23h pour retourner la Belgique. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Bon week-end. Ici ça fait de la zigme juste pour déconner. Chez toi ça sert de sup pour des cabriolets. Des tonnes de sang de surplus, je sais plus quoi donner. J'attends toujours celui qui viendra m'étonner. Fun Radio. Dance Floor Music. Keep it locked. Fun Radio. Le son Dance Floor. Magic System avec la Bionix. Ouais. Voilà. Nous on est venus pour danser. On va faire le show.